cycle, mais bon, ça reste quand même Lille. Il y a des joueurs comme compétents dans cette équipe-là. Je pense pas que le ballon y tournait. Bon, après, dans la réalisation, ça s'est pas fait, mais on a quand même vu le Vas-y. meilleur Jesse Demingue de toute l'histoire de Jesse Demingue, Alain Meno, et ça, il faut le rappeler, c'est important. J'y ai assez critiqué d'être le... Il y a 2 ans avec les NFT, le métaverse et Constellation. tout. Ah, c'est les constellations, ça existe vraiment, hein, Mais c'est vrai. évidemment. Presque rien. Jouer. Et là, il y a beaucoup de matchs. Oui, De toute puis façon, faut qu'il on ne peut pas arrive, faire jouer faut tous les qu'il matchs à arrive en Panicelli 90. Quel déguisement, c'est quoi le thème cette année? Aujourd'hui, cette année, on prend la lettre H. Ah bah ok, je vais me déguiser. Moins important dans le jeu que Barco. Je pense Quoi qu'on en aussi. pense. Pas qu'on en pense, non, on va penser le contraire. Mais en tout cas, Barco, pour moi, c'est vraiment un peu le premier mec que tu mets sur la feuille de match. Là, tu mets Barco. Après Tu mets les mecs autour. Ah oui, après, tu mets d'autres mecs autour parce Ce qui est inquiétant, c'est que je pense qu'on a un milieu qui est très faible et que tu enlèves. Image manager. Ouais, moi, je pense que c'est vraiment. Ouais, tu sais, on prend un ancien pro qui n'est pas trop retraité depuis longtemps, comme ça il a encore un peu peut-être les codes des joueurs actuels et tout. Et puis ouais, c'est le mec sympa qui va un peu te booster au téléphone. Eh non, mais Milos, ouais. Allez, Milos, tu vas être au but ce week-end. Milos, allez, t'y crois. Allez, Milos. Mais quel job. Le socle de notre. Du coup, un match que personne ne va prendre à la légère, quand même. Ouais, non. Il vaut trop de points pour la suite de la saison. Il y a moyen qu'on le perde, hein, ça c'est sûr. Après, ça c'est un match de coupe, hein, ça peut jouer sur une action litigieuse. But now we come to a period that I call the battle for identity. Radio. Bonjour, bonsoir, bienvenue, Radio Stoop spécial 2026, émission d'urgence, mais qui a été un petit peu décalée. Ça va, tu trouves le bouton du son, c'est le gros bouton, la grosse molette. La grosse molette vers le bas. Ouais, la grosse molette vers le bas. Ça pourrait faire un t-shirt pour les 18 ans de Radio Stoop. Donc, émission spéciale, on a beaucoup de choses à dire. Les gens ont réclamé Radio Stoop. Ils ont dit je suis perdu, je ne sais pas qui est l'entraîneur du Racing. Est-ce que c'est Gary Rosenior? Est-ce que c'est Liam O'Neill? Nous sommes là pour vous éclairer. Pour ça, j'ai réuni une équipe exceptionnelle et c'est notre invité, c'est le mec qui va faire vendre le plus d'écoute. Ouais, ouais, c'est tac. Évidemment, nous sommes tous à poil, ça a été la seule condition que Tac l'a mis à venir à Radio Show. Tout à fait. Voilà. Merci d'être venu, ça fait longtemps qu'on essayait de t'avoir. On t'a eu. Première Radio Show Première Radio Show, j'ai eu une autre invitation, mais pour des raisons de planning, elles ont toujours dû se remettre à plus tard. Donc voilà, je suis enchanté d'être parmi vous, ça me fait beaucoup plaisir. Alors la bière du Danemark Mousse. Ouais, effectivement. Mais bon, on arrivera à faire. Il est là, le chiantologue, le leader maximo du Stoub, Strotim. Voilà, tu es arrivé, tu es dans des conditions spéciales pour aller. Des conditions de la Radio Stoub inhabituelle. Ce soir, je te porte le Radio Stoub sobre, une figure à ne pas faire chez vous. Voilà, c'est exécuté sous la surveillance de professionnels. Il y a un huissier dans la salle, un infirmier. Ouais. On a bien changé quand même en Radio Stoub. Ah, putain, parce ouais. que pour qu'on tolère ça, quand même. La tolérance a toujours été convivialité-tolérance. J'avoue, je m'attendais à pire. La multitolérance. La multitolérance. La multitolérance. Calcio. Ratchet. I like my girls ratchet. Tu es venu avec un quiz ? Je suis venu avec un quiz qu'on fera comme d'habitude. Alors, j'essaie de lire les réponses. J'essaie de lire les réponses que je cache sous mon saucisson. On ne dira pas du tout quel est le thème de ce quiz. C'est un thème surprise à découvrir pour tous les gens qui iront au bout de l'émission. Monsieur fou de foot. Plus ou moins 10%. En effet, monsieur, plus ou moins 10%. Bah, enchanté, très heureux d'être là. Alors, je sais, on enchaîne de Radio Scoop quasiment cette saison. Ouais, je fais mon mieux. Bah, moi, je suis là surtout parce que j'aimais des bonnes bières, mais c'est pas grave. Voilà, des bières qui moussent, hein. Comme cette bière. Bière qui roule n'a pas mousse. La Michel. Bière danoise, ramenée bien sûr de Brøndby. En plus, c'était le nom du gars de la DNCG, Mikeller. L'espèce de blanc nul qui avait dit une fois les chiffres, on les connaît pas, mais t'es ceux de l'année précédente. Tu fais du contrôle de gestion. Voilà, et évidemment, pour vous servir, Rakman. De tirade dithyrambique au CID. Oui. Nous allons directement attaquer, et alors j'arrive à lire entre mes bières. Mmh. On a du débat, on a décidé de faire un format un petit peu différent, plus percutant. C'est 2026, il va se passer des choses en 2027, on en a parlé avant, mais on n'a pas le droit de le dire parce que nous on sait, mais pas vous. Et oui, la matrice. Et donc, mais on sort les mouchoirs quand même. Ouais, pour la bière, on sort les mouchoirs. Oh, c'est les mouchoirs. Effectivement, avant l'émission, on se disait, et quand je dis on, c'est Alex qui se disait. À vaincre son péril, triomphe-t-on sans gloire. Et donc, j'aimerais que cette épitaphe soit un petit peu l'introduction de Gary O'Neill, Gone. Qui est parti pour rester, qui a pris l'Alsacien déjà. Oui, tout à fait. Et qui est venu avec sa femme et ses enfants. Et ses dents. Et donc, ça dépend combien de temps le poste de Chelsea est occupé par celui dont on ne doit pas prononcer le nom. On pourra le prononcer après. Mais donc, effectivement, est-ce que ces premiers matchs de la saison de Gary O'Neill ont été trop faciles, ou est-ce que vraiment il a réussi à impulser une nouvelle dynamique à une équipe qui tournait un petit peu en rond? Alors un peu, on peut voir les deux côtés des choses. Contre Avranches, forcément, c'est plutôt facile. Ils sont pas au niveau, on leur marche dessus. C'est attendu, c'est ce qui s'est passé. Et limite, c'est le contraire, était un peu inquiétant. Mais sinon, au vu des matchs contre Metz, par exemple, oui, c'est pas une équipe qui est très très forte. Et où le match contre Lille, où oui, voilà, apparemment ils sont sur un mauvais cycle, mais bon, ça reste quand même Lille. Il y a des joueurs comme compétents dans cette équipe-là. Je pense pas qu'on a aussi eu que de la chance dans le truc, parce que c'était plutôt bien réalisé dans le jeu. Donc, vaincre sans péril, je trouve ça un peu excessif. Alors, il y a des gens, je me permets avant que vous réussissiez, j'ai lu sur le Stub, il y a des gens qui ont qualifié Metz d'enfant sans bras. Ouais. C'était quoi le film avec le petit sur le skateboard là ? Kenny l'homme trou. Tout à fait. C'est un peu ça. Non, Metz, pour le coup, Metz, c'est pas un thème. Alors, Lille, j'ai pas pu juger vraiment tout, mais c'était autre chose. Alex Je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est que je pense qu'il est revenu à des choses quand même un peu plus simples, en termes de positionnement des joueurs, en termes de schéma tactique, en termes de dispositif de jeu, ce qui, du coup, a, je pense, un peu libéré quelques énergies dans l'équipe. Ça, c'est un premier truc. Deuxième chose, effectivement, séquence de match assez facile qui, en plus, venait après une séquence elle-même désastreuse. Personne n'attend rien de lui. Le scandale est sur son prédécesseur. Donc, en fait, le gars est effectivement dans une position favorable. Je note quand même qu'il a visiblement été instruit des erreurs du passé, puisqu'il n'a pas fait le même numéro de claquette que son prédécesseur en arrivant. On est resté sur du basique d'entraîneur de foot, faut gagner les matchs et tout, machin. Ce qui, à mon avis, est une très bonne chose, donc tant mieux pour lui. Effectivement, après, on en avait en fait que, comme ça a été suggéré, il est là en dépôt vente jusqu'à la prochaine crise de Chelsea, quoi. Est-ce que vous pensez vraiment que Gary O'Neill, lui, est aussi programmé? Moi, j'avais du mal à y croire pour... on en parlera après. Mais pour moi, Rosenior, là, il était vraiment là pour... Il fallait trouver quand même un entraîneur qui soit à peu près crédible et qui rentre dans le moule. Mais je pense que lui, pas du tout. On pense pas du tout à lui pour Chelsea après. Il est là pour faire son taf à Strasbourg d'entraîneur de l'équipe B. Je pense que les raisons du départ de Enzo Maresca ont quand même commencé à émerger. C'est-à-dire que c'est quasiment personne ne veut le job à Chelsea. C'est ça. Parce que c'est des connards d'un fonds d'investissement avec des tableaux d'Excel qui te disent qui tu dois faire jouer. Mais ça, c'est pas nouveau. Tapie le faisait déjà avec Raymond Goethals. C'est pas pour gagner le match, c'est pour la cote sur le marché des transferts. Et donc en fait, Maresca, il a essayé de se faire virer pendant tout le mois de décembre. Il n'y est pas arrivé. Et donc il a fini par s'asseoir sur je sais plus 14 ou 16 millions d'indemnités et il s'est barré. Donc en fait le seul, et d'ailleurs c'est très intéressant, Rosenior n'a pas été nommé manager, comme c'est le terme historique en Angleterre, il a été nommé head coach, qui est un terme américain qui est plus bas en termes de hiérarchie. C'est le head coach de Chelsea avec 5 directeurs sportifs au-dessus de lui qui lui disent ce qu'il doit faire. Et en fait on cherche des yes men, donc Gary O'Neill, a priori, s'il a été pris, c'est parce que c'est le prochain Yes Man. S'il en est besoin. Oui, il est en test. Ouais, voilà. Est-ce qu'il est capable de faire quand même jouer une équipe? Est-ce que c'est un entraîneur, un bon entraîneur? Et puis surtout, est-ce qu'il est capable de faire ce qu'on lui dit de faire, de faire jouer un tel plutôt qu'un tel? Et voilà. Et puis l'objectif, c'est clairement ça. Moi, je ne sais pas si Chelsea vont s'inscrire dans une culture de prendre que des jeunes entraîneurs pour succéder à d'éventuels autres jeunes entraîneurs qui auraient failli. Là, c'est un coup d'essai, mais c'est pas leur culture. Généralement, ils prennent quand même des gros CV, des mecs, des gros entraîneurs, des mecs qui ont déjà gagné des trucs. Mais la culture de Chelsea n'est plus importante, c'est la culture de l'actionnaire. Ouais. Effectivement, la culture de Chelsea, pendant très longtemps, c'était de prendre des gens comme Ancelotti, Antonio Conte, etc. Mais ça, c'était avant. Ils ont eu Tourelle qu'ils ont dégagé, ça a été un bain de sang. Ils ont essayé avec un seul autre grand nom qui était Pochettino, et c'est pareil, au bout d'un an, ça s'est terminé en bain de sang. En fait, Pochettino, il est nul. Hein. Il a entraîné des grosses cylindres européennes, tu vois. Il était super coté, c'était un coach très bien tenu et super coté. Pochettino au PSG, c'est quand même le pire entraîneur du PSG nouvelle génération, enfin PSG Qatar, quoi. Mais c'est pas l'argument. Est-ce qu'il est nul ou pas nul? La question, c'est que ce mec-là a un certain standing sur le marché et un certain niveau d'ego et de trucs. Et en fait, aujourd'hui, tous ces mecs ne veulent pas venir et l'actionnaire n'en veut de toute façon pas. Oui. Parce que dans le système tel qu'ils l'ont déterminé, qui est un système de valorisation d'actifs financiers, terminer 4e ou 5e de Première Ligue, aller en Ligue des Champions avec une masse salariale plus basse et que du potentiel à la revente, ça leur va très bien, ils ne veulent pas gagner le titre. En fait. Ça suffit largement, évidemment. C'est ça qui rend fou les supporters de Chelsea actuellement. Oui, c'est clairement ce qu'ils veulent aujourd'hui, hein. Mais c'est grosso modo la même chose à Strasbourg en fait. D'où l'idée finalement de faire une copie conforme à Strasbourg et à Chelsea. Ce qui peut être une bonne transition pour la suite. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Non, on a bien répondu sur les matchs. Hein. Est-ce qu'on ferait pas juste un petit arrêt sur l'image? Alors, Metz, est-ce que c'est vraiment la peine de parler de ce match? Hein, la métaphore de l'enfant sans bras, je trouvais vachement parlante. Mais qui pour autant a été notamment en deuxième mi-temps, a pas été si facile que ça. Ils nous ont quand même bien tenu le ballon, ils tournaient. Ouais. Bon, après, dans la réalisation, ça s'est pas fait, mais on a quand même dit le meilleur Jesse Demingue de toute l'histoire de Jesse Demingue, Alain Meynaud, et ça, il faut le rappeler, c'est important. J'y ai assez critiqué d'être le joueur le plus chiant qu'on a eu dans son couleur les dernières années. Un petit regret de ne pas l'avoir vu comme ça. Je pense qu'il y a des vraies lacunes aussi dans cette équipe. Et que le changement de coach peut pas tout faire. Et il a pas tellement rabattu les cartes finalement le nouveau coach. Il a remis les gens à sa place, il a fait un jeu qui est sans doute un peu plus logique, un peu plus direct, mais c'est les mêmes joueurs, c'est... Il a quand même mis Moreira à droite. Oui, voilà. Aujourd'hui, qui joue en général beaucoup plus bas sur Rosenior, là il l'a quand même mis beaucoup plus haut. Sachant que Moreira, c'est un peu le renouveau un petit peu sur ce début de saison. On retrouve le Moreira qui nous a fait un peu kiffer fin de saison dernière, qui s'était un peu perdu. Ouais. Mais si on regarde Metz, en fait, j'ai trouvé que c'était la métaphore du 80-20 assez vrai, parce que Metz était très bon sur les 80 premiers mètres, mais avait zéro finition. Le Racing n'a pas été souverain dans ses 81 mètres en termes de jeu, parce qu'effectivement, Metz a très souvent eu le ballon et l'a pas si mal fait circuler. Par contre, le Racing, effectivement, sur son incursion, sur ses deux vraies incursions dans la surface, c'est clinique. Il marque, et c'est ça qui fait la différence aujourd'hui. Est-ce que tu peux te payer des joueurs devant qui sont capables de faire la différence, ou est-ce que comme Metz, tu t'en ramènes péniblement un Diallo, mais tu dois le renvoyer direct à la CAN? C'est ça qui en fait la différence, parce que si on regarde, en fait, je pense que 80 ou 85% de nos points ont été acquis contre des équipes qui sont la deuxième partie du classement, qu'on a battu par un but d'écart. Mmh. Donc en termes de gain marginal, toujours, on est quand même, géré par des financiers, ça c'est pas trop mal, quoi. Voilà, et donc du coup Lille, j'avoue, je me suis endormi, je n'ai pas vu le match, donc je m'en remets aux experts de Radio Stoub. J'ai vu le résultat, on a écrasé Lille, hein, ce qui assez bien le souligner, parce que pendant longtemps c'était quand même fait voler par Lille. Alors, le nombre de matchs où Lille nous a maltraité, alors que finalement on n'était pas si mal avant de sombrer, et que eux marquaient dans les moments forts sans se bouger. Cette année, c'est un peu nous qui leur avons rendu la moitié de la pièce. Mais et a priori, c'est là le match le plus abouti de 2026, peut-être même de la saison. Oui, bah après on tombe sur un Lille qui est un peu l'animal blessé de la Ligue 1 actuellement. Bon, on était dans la même situation il n'y a pas 3 semaines, 4 semaines. Perdre 5 matchs de suite, enfin pourquoi ne pas le gagner. Et on est peut-être tombé sur un des moments idoines pour rencontrer cet adversaire. Après gagner à Lille, historiquement, ça ne réussit pas. Donc ça reste première victoire, un bon résultat. Et c'est une victoire où, oui, effectivement... Dernière victoire, c'était Furlan, je crois. En 2007. Furlan à Villeneuve-d'Ascq avec le but de Rodrigo. Le but de Rodrigo, et Moulongui, je crois. Et Johansson. 3-1, ouais, c'était match. Donc, ça avait été un feu de paille. Hein. On ne souhaite pas du tout le même avis. C'était plus tôt dans la saison. Et il y avait Kluivert en face, en plus. C'est pas l'époque où ils avaient pris Kluivert qui avait son gros cul. Je crois, oui. Moi, je me souviens, je l'ai vu aussi une trace match avec plein de chemistes. Ouais. Et sur la frappe de Rodrigo, La frappe de Rodrigo, elle était quand même. Elle était sèche, quoi. C'était un but, je crois que c'est. Il y a des buts qui te marquent. Et celle-là, elle fait partie des buts marquants. Mais bon, donc du coup, finalement, mais par contre, du coup, masterclass, un peu. J'ai lu ce terme, masterclass, notamment des Argentins. Ouais. Les Sud-Américains, ils ont marché sur ce match, hein, clairement. Je pense qu'on peut quand même dire que là, Enciso, il commence à faire des performances dont on se doutait qu'il était capable de les faire, mais qu'il n'avait pas encore suffisamment montré dans son jeu qu'il pouvait déjà donner une passe à un copain. Parce qu'on avait un peu l'impression qu'il jouait seul sur ses premiers matchs. Et désormais, là, il atteint quand même un niveau plus qu'intéressant. Et je pense que ça joue aussi avec le fait de jouer en 4-4. Pas combien, hein. Enfin, j'ai du mal à situer le 4-3-3, 4-5-1. Ouais, ça bouge un peu. Qui a déjà mangé sa brésel? Déjà, le fait d'être retourné avec 4 joueurs derrière qui jouent un petit peu plus bas, et donc ça laisse des espaces un petit peu plus pour. Et pareil, jouer un jeu plus direct que faire la baballe Rosigno-Balle là pendant tout le match, on s'appuie sur les qualités de nos joueurs mieux qu'avant, je trouve. Sur la profondeur et sur la capacité d'élimination de nos latéraux et de Enciso, qui quand même a un putain de dribbleur, quoi. Et ça, c'est sûr. Après, c'est plus facile aussi ce genre de jeu contre des grosses équipes parce qu'on n'a pas le ballon. Je pense que quand on joue les équipes de deuxième partie de saison, on a tendance à avoir plus le ballon. Et on voit que ça peut être beaucoup plus compliqué aussi, comme contre Metz, où à un moment donné, pour avoir une action dans le jeu construite, c'était quand même assez laborieux. Ah, c'est pour ça qu'on joue un peu plus bas pour essayer de les aspirer un peu plus, quoi. Mais le fait de repasser à deux défenseurs centraux, je pense que c'est une putain de bonne option, en fait. Excellent transition. Ah. Non, après, on a quand même un Sarr qui est quand même très, très, très, très fort et qui, à mon avis, a encore pris, si ce n'est de la valeur, au moins de l'ancienneté, de l'expérience, de la moelle lors de la CAN. Parce qu'il a fait une CAN qui est quand même assez hallucinante. On va peut-être pouvoir le revendre ailleurs qu'à Chelsea. Hein. Ah, mais non, mais c'est trop tard, il est parti. Ah, oui. Et puis, y a-t-il mieux que Chelsea? Ah. Et puis, il n'y a quand même pas beaucoup de choix pour Chelsea. Hein. Il y a les joueurs du Racing, l'entraîneur du Racing. Ah, oui. Peut-être bientôt le kiné du Racing. Mais du coup, Kader Mangan. Le bouquet de rose. Kader va rester. Alors, Kader peut pas partir, c'est l'ADN du Racing. Ouais, ça, est-ce que Kader peut partir? C'est une question qu'on pourra se poser dans un prochain Radio Stoub. J'ai une question Radio Stoub que j'ai à peu près notée, mais peut-être tu pourras me corriger. C'était Ajax Fan qui nous dit: faut-il boycotter les joueurs sud-américains en solidarité avec les agriculteurs dans la lutte contre le Mercosur? J'ai envie de répondre, c'est quand même les meilleurs joueurs de l'équipe. Ouais. Après, le Mercosur est finalement pas à la Cour de justice, non? C'était ça le bordel. Alors, a priori, c'est non suspensif quand même. Ok. Donc, c'est un peu une enfumade. Hein. Ah, ok, ouais. Ça, j'avais pas cette info. C'est ce qu'on m'a expliqué. Mais je me suis pas intéressé plus que ça. Mais moi, je considère que dans la mesure où je ne mange pas de joueurs sud-américains, je vois pas pourquoi je rentrerais dans le boycott par rapport au Mercosur. Ça n'a rien à voir. Hein. Ça dépend de quel joueur on parle. Hein. Si on parle de Paez, bon. On pourrait le manger. Pas grand chose dessus. Hein. Voilà, donc petit blague. Mais, nouvelle transition. L'IAM démission. Voilà. Est-ce qu'on fait. Alors, j'actionne la guillotine. Pour le téléphone. Alors, pour une fois, Radio Stoub n'a même pas eu le plaisir de guillotiner à l'IAM Rosenior, malgré nos multiples appels à la démission. Il est parti de lui-même. De lui-même. Il a été rappelé par le Seigneur. Mais en disant qu'il faut qu'on soit fier. Fier de voir un entraîneur partir pour un grand club. Et là, effectivement, Radio Stoub ne pouvait pas passer à côté d'un débat sanglant sur ce rappel. J'ai retrouvé le Racing que j'aime. 2026, ça a commencé. J'ai passé quand même, j'avoue, genre une partie de mes vacances sur le téléphone à scroller les déclarations, les contre-feux, les trucs. C'était quand même génial. C'était franchement, il y avait Maduro et Rosenior. C'était à peu près difficile de savoir. Il y en a un, bon, il est en prison, l'autre il est à Chelsea, qui a gagné, on ne sait pas. Ouais. Mais, un vrai plaisir quand même de à un moment au départ tu te dis ils vont pas le faire, ça paraît trop gros mais c'est à ça qu'on les reconnaît et alors quand ça arrive quand même, ouais, mais alors tu noteras quand même que c'était quand même un énorme bâton de merdeux, et en fait la communication du club a quand même été assez bonne parce qu'ils ont distillé le venin pendant plusieurs jours. C'est-à-dire que si toute l'annonce s'était faite en 24 heures, je pense que ça aurait été beaucoup plus brutal pour les gens. Mais là, il y a eu 3-4 jours où progressivement ça s'est instauré. Et t'as même des gens qui ont eu des réactions tout de suite en disant « mais c'est une catastrophe » et qui, 3-4 jours plus tard, étaient déjà en train de rationaliser avec tous les arguments à la con. « Ouais, mais il avait perdu la main sur l'équipe et tout, etc. » Et finalement, c'est là qu'on voit quand même qu'en Alsace, on est quand même des gens assez dociles. On est fin janvier et le truc est finalement presque déjà passé comme une lettre à la poste parce que l'autre a gagné 3 matchs, quoi. Enfin, c'est incroyable. Mais les résultats valident le truc, c'est comme partout. Hein. J'étais jugé sur les résultats. Mais quels résultats? Les résultats, tu gagnes les matchs. Si on avait perdu les 3 premiers matchs, je pense que ce serait le scandale actuel. Mais pourquoi? Attends, on essaie de partir aux seniors qui gagnent les 5 précédents matchs non plus. Finalement. On ne sait même plus s'ils gagnaient ou perdaient, mais effectivement, le fait de gagner valide. C'est pas tellement alsacien, c'est le foot aussi qui veut que le résultat valide le truc. Mais la séquence est quand même assez dramatique. Il y a eu un moment où effectivement le club rattrape le coup, mais il y a quand même un moment où le club perd complètement les pédales, c'est-à-dire que c'est en roue libre, les journalistes sont en direct avec Londres et en train de donner les infos, et au club on répond pas, en fait c'est silence radio. Les mecs annoncent qu'ils en ont rien à foutre de Strasbourg, là, cette phrase dans l'équipe elle est quand même terrible, et il y a zéro réponse, et genre après on fait une conférence. La conférence de presse de Rosenior, elle est catastrophique. Oui, au revoir. Ouais. Oui, alors ça, autant je trouvais qu'avant, ils avaient effectivement bien géré leur com', parce qu'ils ont quelque part distillé le truc. Enfin, c'était de toute façon un bâton merdeux. C'est comme quand Il y a le bulletin qui est arrivé, tu l'as piqué dans la boîte aux lettres parce que tu sais que c'est pas le bon jour pour le montrer à tes parents, tu le gardes 3-4 jours et puis le samedi soir quand ton père est un peu chaud, tu le glisses comme ça en mode il voit pas trop le 3,5 en allemand. Tu vois. Entre Patrick Sébastien. Voilà, c'est ça. Donc il y avait un petit côté comme ça. Par contre, effectivement, Rosenior catastrophique. Mais alors, dans la continuité du personnage, hein, y a rien de surprenant. Enfin, mais les gens qui ont été surpris par ça. Non, mais là, il y a été un peu caricatural de lui-même, en fait. C'était rigolo. Moi, j'ai trouvé ça rigolo. J'ai trouvé que c'était un moment rigolo. J'ai rigolé. Parce que c'est... Non, mais c'est déjà tous ces trucs. Amazing, tremendous. Oh, yeah, love God, so wild. mais on parle de cette conférence de presse qui est la cerise sur le gâteau, mais il y a tous les jours avant. Non, le mec dit qu'il n'est pas contacté, que c'est pas vrai, qu'il n'y a rien. Alors que. C'est officieusement, c'était fait. Ouais, bah, tout le monde le savait. Bah, c'était clair depuis. C'était quasiment clair depuis le début. Et je veux dire, la veille de Nice, il vient encore en conférence de presse à dire qu'il ne sait pas. Depuis le 1er janvier. C'est tombé le 1er janvier. C'était clair. Oui, non, mais c'était clair au club. Oui, c'est ça. Bah, en fait, pareil, hein, moi je pense pour arrêter un peu en contact avec nos amis journalistes anglais, je pense que j'ai eu les premiers messages. En fait, à midi, le 1er janvier, on m'a déjà demandé des réactions, si jamais ça se fait. Donc, à ce stade-là, le club était encore en train de nier. Mais en fait, vu qu'ils n'étaient pas dans la boucle, ils pouvaient nier ce qu'ils voulaient. C'était gratuit, en fait. Parce qu'on jouait contre Nice le 3. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire ouais. Que le 3 au soir, alors qu'il est à moitié en larmes, en train de dire au revoir, enfin des larmes, voilà, des larmes. Le crocodile. Voilà, il est encore en train de nier que c'est pas encore fait. Ouais, alors sûr, que tout le monde sait qu'il part. Après, il peut pas l'annoncer parce que le club voulait pas l'annoncer tant qu'il n'y avait pas de successeur. C'est ça. C'est la com de tous les clubs, quasiment. Enfin, non. Ça, dans le foot, ça se voit quand même beaucoup, ce côté faux cul, un machin. L'entraîneur qui part et qui dit. Enfin, on l'a pas vu, tu sais, ou les mecs qui disent je serai là au prochain match, alors qu'ils savent déjà qu'ils vont se faire têche. On en a eu 10 000. Ouais, mais là, c'est la première fois qu'il y a le mec qui part, il crache sur le club. Non, alors. Il crache sur le président, non, c'est dur. C'est, en fait, ce que tu dis est très vrai pour le joueur qui est interviewé et qui dit je sais pas, nanani, nanana, faut voir et tout, etc. Le coach qui te raconte de la merde, on en a eu 10 000. Attends, là, tu relativises un peu trop parce que un transfert interne à un groupe d'un entraîneur en deux jours comme ça sur décision de dessus, moi je l'ai jamais vu en fait. Je ne parle pas de la manière, et du montage. Mais comment tu peux dissocier de la manière de. Mais quand un mec il a des contacts avec un autre club et qui sait déjà qu'il va leur mettre à l'envers, par exemple, tu vois, les entraîneurs qui vont dire ouais, je vais rester, ou des joueurs qui vont dire ouais, je vais rester. Mais la question sur Keller, elle était largement. On peut pas dire ça. Tu t'es passé à côté, hein, genre. Toi, tu ne prends pas deux fois du dessert. Ouais. Non, moi, je pense que, voilà, quand on lui demande alors, est-ce que Marc Keller a essayé de vous dissuader, des choses comme ça, il dit que, en fait, voilà, il. Qui ça ? Voilà, vous êtes gay, vous êtes gay. Non, mais enfin, voilà, je veux dire. Voilà, et même, là, on a vu là, cette fameuse photo où on voit les Strasbourgeois pendant la conférence de presse. Enfin, on peut penser ce qu'on veut de ces gens, ça fait quand même de la peine, quoi. Ils subissent le truc, et on a un peu l'impression, voilà, que. Mais... Tu vois, c'est un peu. J'ai un copain qui m'a dit, on avait un peu l'impression qu'il regardait leur ex avec son nouveau mec. Il y avait un peu de ça. Mais le cas Rosenior, là, est un formidable exemple pour expliquer ce qu'est la multipropriété. Surtout pour expliquer qu'en en fait, il n'y a pas cette histoire de multipropriété horizontale, de machin, de truc. En fait, la multipropriété, elle est toujours verticale. Oui. Et donc, en fait, c'est là où j'adhère pas du tout à ce relativisme de dire ouais, mais de tout le temps, il y a des gens qui sont partis dans des clubs. Ok, bien sûr, pas de problème. Mais là, en fait, t'as même plus ton mot à dire et surtout. Tu es considéré comme étant un non-facteur, alors que tu restes quand même théoriquement un club autonome encadré au championnat. Tu es un non-facteur. C'est les choix des gestionnaires, ça dépend comment ils veulent le faire. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut leur interdire de faire ces choix. Alors permettez-moi, et peut-être que vous n'êtes pas d'accord, j'ai quand même le sentiment que si cette multipropriété s'était faite avec le Racing, vaisseau amiral de la flotte, ça aurait gêné vachement mon monde. Bah, en tout cas, les associations de supporters, en l'occurrence, ont toujours dit que c'était ni l'un ni l'autre. Mais après, de toute façon, après, c'est politique. Attends, il y a une loi qui va venir. La loi passera pas. Je suis pas contre, hein. Je trouve pas que la multipropriété soit le modèle idéal de gestion de clubs de foot. Clairement pas. Après, maintenant, de toute façon, on est dedans. Donc, on fait quoi ? Ah bah oui, bah en plus, déjà, on est condamné à vivre avec. Donc, on va vivre avec, malgré qu'on en pense du bien, du mal ou des sentiments mitigés. Mais on est dedans. Ça, c'est clair. Et donc, après, oui, il faut juste espérer que, même si c'est géré ailleurs, ce soit fait de manière à essayer de garder deux clubs performants. Après, oui, si on devient trois, ce sera catastrophique. Mais je vois pas non plus quel est l'intérêt total de complètement nous faire de la merde avec ce club aussi, tu vois. Mais ils s'en foutent complètement. Ils s'en foutent. C'est ça que vous avez pas intégré. J'ai du mal à y croire. Parce que pourquoi t'investis de l'argent, un truc, t'en fous? On parle pas, tu sais, genre acheter 100 balles de bitcoin et puis voir ce que ça donne. Non, parce que les exemples de Sarr et de Rosenhardt te montrent, ça te sert de terrain annexe, de décharge, etc. C'est exactement comme quand on avait la CFA2 à l'époque. Bon, bah voilà. On était content de leur mettre quelques joueurs, et s'il fallait jouer le maintien, il y a peut-être quelques pros de la une qui descendaient, mais par contre, s'il y avait moins de gars qui tapaient un petit peu, bah, c'était évident que l'équipe de CFA2 allait l'envoyer en équipe première, même si c'était pour faire un banc. À Mamadou Sarr, on l'aurait de toute façon vendu. Pas beaucoup plus longtemps que on l'a vendu. Mais qui est le 11? Est-ce que le 11, c'est le Racing qui choisit son club acheteur selon ses contraintes, ou est-ce que le 11, c'est le groupe qui décide? Là, c'est le groupe qui décide. Et donc, en fait, on habille sous ce côté systémique des choses qui, en fait, fondamentalement, sont différentes. Un peu de débat sur la table. Parce que, je veux dire, c'est... Après, oui, on peut dire on est condamné et tout, etc. Moi, j'adhère pas à ce discours, parce que je pense qu'on peut quand même contester, dire que c'est pas bien. Parce que sinon, en fait, ton truc, Bien sûr qu'on a le droit de contester. Heureusement qu'on a le droit de contester, ça, je vais pas nier le droit de contester aux gens. Mais on peut aussi se dire que depuis 2 ans et demi, on nous promettait vraiment, genre, le chaos, la mort, ça va très mal se passer nécessairement. Moi, si je regarde après, la manière. Ça va pas mieux? Mais c'est si, pas pire, mais ça va pas mieux. Bah, si, ça va plutôt mieux. Quand Bon, je n'ai pas vraiment l'impression. Bah, Marc Hilaire, il part et dit, sans Bloco, on fait entre 8 et 12. Mmh. Bloco, il a fait 6 et 13. Ce n'est pas vraiment mieux. 7. Et encore, comme Marc Hilaire, c'est ça, 7. Comme Marc Hilaire, il dit ça, il ne sait pas qu'il y aura une grande crise, que le Racing aurait de toute façon pu absorber plus facilement parce que les comptes étaient dans un meilleur état, et que on joue aussi contre des équipes qui sont affaiblies, ça, ils ne pouvaient pas l'imaginer, Marc Hilaire. Moi, je ne suis pas d'accord avec... Alors, je ressens le débat, parce que je sens... On a quitté Rosenhardt, on a dû répondre. Juste une chose sur Rosenhardt. On a quand même Lanté Stoub, qui est là pour... mais c'est bien. Vas-y. Rosenhardt. Moi, sur Rosenhardt... On peut dire enculé, Radio Stoub, c'est pas comme sur le Stoub, c'est autorisé. C'était quoi, fin septembre? Donc quoi, il y a 2-3 mois, il s'est quand même autorisé une jolie sortie sur les méchants supporters du Racing qui ne soutenaient pas durant 90 minutes leur club. Tout ça pour quand même se barrer filer à l'anglaise, dans une saison où on est encore engagé en Coupe d'Europe, où on est, mine de rien, encore engagé potentiellement sur une des 4 premières places de Ligue 1, et la Coupe de France. Qui abandonne sans vergogne un club. Et puis quand tu pars, t'es pas obligé de cracher sur ton ancien club. C'est surtout ça. Et il s'est pas arrêté. Alors tu peux le dire, tu peux faire ça une fois, tu peux faire ça deux fois, mais à un moment, à Chelsea ou à chez Blueco, quelqu'un aurait dû dire bon, c'est largement inutile. T'as pas besoin de les rabaisser pour te monter. La phrase sur le fait qu'à Strasbourg, personne n'a cru en lui et tout le monde était un peu trop, parce qu'en fait, tout le monde s'en branlait un peu sur les journalistes. En fait, il a maxi carte avec les journalistes. Les journalistes, ils l'adoraient. Le type et tout, il y avait toujours quelque chose qui se passait dans nos matchs, notamment pour les mecs des RMC. Les mecs des RMC, ils en pouvaient plus de Rosenhardt et à tout. Et à tout savoir qu'avant, en plus, on avait Patrick Vieira. Donc en fait, moi, entre les deux. Rosenhardt, il avait la carte totale avec les journalistes. Ouais, je sais pas pourquoi il s'est senti. Mais est-ce que c'est pour faire plaisir à la maîtresse, je sais pas. Non, je pense que c'est un narratif qui se construit lui-même dans sa tête. De toute façon, après, contre les autres. Ouais. C'est ça. Mais il l'a prouvé dès le jour 1 de son arrivée chez nous. Il est prêt à raconter n'importe quelle merde où c'est évident qu'il n'y croit pas s'il pense que le narratif va servir son auditoire. C'est son auditoire, c'est qui quand il raconte son histoire, ce journaliste? C'est certainement pas les bouseux de Strasbourg, il a complètement oublié. C'est, il vend un truc aux Anglais, genre, regardez les Français. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Au moment où il prend son poste, tout le monde le descend. En Angleterre, en mode, c'est qui ce gars? On le connaît pas, il a péniblement fait, je sais pas quoi, 7e de Championship, c'est pas assez taillé pour Chelsea. Donc lui, en fait, il invente un narratif en disant, Alors, bah, je m'en fous, vous êtes en train de dire que je vais me planter. Mais à Strasbourg, tout le monde m'a chié dessus et j'ai redressé le club et tatati tatata, même si c'est complètement faux. Mais voilà. Quitte à dire qu'il y avait des joueurs de troisième plan, que. Pas tous en même temps, hein, n'oubliez pas de ne pas vous couper. On n'est pas chez Rosenior, on peut tous parler à son tour. La parole est encore libre. Profitons-en, il reste à peu près un an et demi. Oui, alors, Alex, tu es... Non, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Rosenior, enculé, exactement, je suis d'accord. Tacle, enculé. Alors, on a assez parlé de l'IAM. Alors, c'est le passé. Franchement, c'est vrai qu'on a bien rigolé. Il y a eu quand même, il y a des grands moments. Il y a le suite à capuche. Ah oui, le suite à capuche. Suite à capuche. Ouais. Thierry Loret, c'était le French, truc Stone Island. Ouais, le truc Stone Island, le French Guardiola. Bon, lui, c'était le French. C'était fort, c'était les pubs. Oui, c'était fort. Et puis il avait aussi une fois mis un espèce de costume un peu chatte, là. Non, c'était violet. Le moutarde avec le col. Ouais, il nous avait fait un petit truc années 70. Et donc, il a marqué le Racing par son hoodies, comme disent les Américains. C'est un peu le Mark Zuckerberg du Racing. Mais maintenant, on est passé à autre chose. On est passé à Gone. Ouais. Alors, Gone qui veut dire partie déjà. Gone with the wind. Gone with the wind, Gone baby gone. Ouais. Il y a plein de jeux de mots. Mais Gary O'Neill, par contre, il est arrivé et moi je ne peux m'empêcher de trouver cette personne sympathique. Bah, il est venu avec femme et enfant, hein, paraît-il, hein, contrairement à son. Comme quoi c'est possible. Il y a un côté beau, enfin le contraste est fort quand même, parce que Rosenior c'est côté fouteux. Ouais voilà c'est ça. C'est le côté. Il est sur le terrain, il connaît les postes des joueurs. Ouais, et puis bon il parle uniquement de football quoi. Je veux dire là où Rosenior effectivement il se la joue un peu plus intello avec ses histoires de Lego, toutes les conneries qu'il pouvait raconter. Ouais, merci pour ces rappels historiques. Elle est Lego, hein. Mais tu sais qu'il a refait le coup des Lego. Oui. Il a fait des déclarations hallucinantes en Angleterre. Genre, il a remis le coup des Lego, où le coup des Lego est ressorti et tout, machin, on fait des Lego et tout, on m'a demandé Montessori. Et après, il a fait une autre citation qui est dingue, tu vois. C'est genre, je mets pas de gants aux entraînements pour que les joueurs voient que je les applaudisse. Ça, c'est beau. Hein. C'est amazing. C'est wonderful world. Wunderbar. Et donc, du coup, Gary, rémission. Parce que Gary, on a l'impression qu'on replonge dans le football. On s'éloigne un peu de toutes ces histoires de d'influenceurs de merde. Ouais, d'influenceurs de merde. Et Gary, il nous parle de foot, il joue au foot. Alors, il tape des enfants sans bras, mais généralement, tu sais, il faut quand t'arrives au collège, tu vas pas commencer par aller taper le PSG. Ouais. Tu commences par un gamin qui est un peu isolé, tu lui mets 2-3 patates pour être tranquille. Voilà, histoire, tu t'imposes. Après, tu prends un gamin qui vient de se blesser au sport, Lille. Mm-hmm. Ah, tu fais une balayette derrière. Derrière, tu peux aller voir le costaud de la classe. Comment t'assois ton autorité, derrière, faut taper le boss. Voilà. Maintenant, là, il faut. La prochaine étape, c'est taper le boss, on en parlera après. On a les frérots de Lens, non? Dans pas longtemps aussi. Aussi ouais, c'est plus loin. Lyon, c'est que ça arrive. Lyon, ouais. PSG, Lyon, Lens, grosse séquence, quoi. Après, c'est vrai, déjà, ça fait plaisir d'avoir un coach en jogging. Un coach, qui fait pas du amazing, là, tout le temps, là, machin, qui parle de foot. Et bon, après, il a le bénéfice des résultats qui suivent, donc forcément, c'est un bilan, là, sur 3 matchs qui est plus que positif, hein, 100%. 100%. S'il avait perdu... le baiser de la mort, comme le disait Roulian, genre, le dernier coach à avoir fait gagner ses deux premiers matchs de championnat, c'est Claude Leroy. Et là, j'ai lu une stat qui est sortie. Il y avait un entraîneur des années 60, je sais plus lequel. Il y a eu 2-3 entraîneurs au Racing, je crois, qui ont réussi à faire ça quand même. C'est le DNA qui cite Claude Leroy, c'est pas sympa. Ouais. Je pense que de toute façon, du cul, il était encore là avec la finale au Sénégal. Oui, j'allais dire, mais d'un coup, je vois Sadio Mané. Il empêchera Mané et son fils de sortir du terrain. Non, mais il est toujours dans les mauvais couilles. Incroyable. Non, c'est grâce à lui qu'ils ont pu poursuivre la finale. Moi, je comprends pas. Parce qu'apparemment, il a convaincu le capitaine du Sénégal, Sadio Mané. Ouais, c'est lui qui a gagné la Coupe de France. C'est le roi qui l'a dit. C'est le roi qui l'a dit. Il a dit, j'ai vu Claude Leroy. Non, mais il a pris 3 avis. Parler à Mané. Il a demandé à El Hadji Diouf. Il est que des prix Nobel de la paix. Il était à la tribune. À un moment, tu le voyais, le Mané, il parlait à Diouf, il était à la tribune et tout. Et c'est Mamadou Niang. Vie expédée de Les trois étaient sur le bord du terrain. Il y a une personne dans ce triptyque que je respecte plus que les autres. Oui, il y en a une qui a habité à Ilenheim. Mamadou Niang, il a habité à Ilenheim. Exactement. Ah, oui. Il s'en souvient, a priori. Ah, c'est bon, du coup, on parlait quand même de O'Neill. Oui, de O'Neill, oui. Et comme je disais, bah, pour l'instant, il a le privilège de résultats positifs. Le prochain match, si on le perd, il sera pas trop attaqué là-dessus, parce que bon, perdre contre le PSG, au final, t'as le droit, c'est ça, c'est un bonus. Droit, oui, parce que c'est, normalement, c'est prévisible chez les parieurs, entre autres. Et après, moi, je crois que sur ce match, on a un truc à faire, hein, comme d'habitude. Et... Ah, donc on cherche la profondeur, le petit Emegala qui revient juste à temps pour planter un but dans le dos du PSG. S'ils font jouer leur Ukrainien de merde, là, Zarbani, là. Ouais, y a moyen. Y a moyen. Les Ukrainiens, les défenseurs ukrainiens, c'est une fraude. Cela dit, ça. On parle pas assez du départ de Sobol, hein, mais... Mais ouais, putain. Bah ouais, personne n'a rien à dire. Tu peux plus te faire passer pour ton sosie. Bah oui, je vais être obligé de... Je pourrais plus rentrer dans les loges. En disant Edouard Sobol. C'est un peu le dernier mec d'avant Blouko, Sobol. C'est le dernier, même. Doukouré, c'est Doukouré. Ah, il y a Doukouré. Oui, il y a Doukouré. Après, Doukouré, il a tellement voulu partir qu'il est déjà... Marc Keller. Qui ça? Il serait parti avant Blouko, ce con. Ah oui, mais il aurait raté un sacré truc. Et une belle augmentation, celle-là. Est-ce que vous voulez tout de suite parler de Emega? Il est quand même pas mal capitaine, hein, parce que Emega, Sarr, c'est les mecs qui vont à Chelsea. Donc si Doucouré est capitaine... Il va à Chelsea. Est-ce que vous voulez parler encore de Gary? Ou alors, il y a cette question qui a été posée en conférence d'avant-match. Que faire d'Emega? Bah, le faire jouer au foot. C'est déjà pas mal, hein. Mais est-ce qu'il va pouvoir se réintégrer dans un groupe qui aura réussi à gagner les matchs sans lui? Mais oui, il va danser, il va mettre l'ambiance, ça va être bien, ça va rigoler dans le vestiaire, ils vont faire une choré. Après, il a pas de raison. Enfin. Quand bien même il est la tête à Chelsea, il a quand même potentiellement une Coupe du Monde, hein, à jouer. Là, il y a beaucoup de matchs. Oui, de toute façon, on ne peut pas faire jouer tous les matchs à Panicelli 90 minutes. Hein, ça, c'est déjà pas possible. Entre Coupe de France, Coupe d'Europe. On mettra Paez 10 minutes à la fin. Hein. Non, mais Paez, il va se barrer. Paez, par contre, je pense qu'il va se barrer. Mais les gars, il a un rôle à jouer. Alors voilà, comment se fera l'alternance entre les deux? Est-ce qu'il va retenter de les faire jouer ensemble? C'est pas complètement convaincu comme hypothèse. Moi, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer. Il n'a pas eu l'occasion, là, pour l'instant, au Nil, de se dire je mets les deux. Oui, c'est pas. Il connaît pas. On verra, ça peut être intéressant. C'est pas contre Paris, quoi. C'est quand même... Moi, si je vois l'action du premier but de Panichelli à Lille, qui est quand même le but qui débloque le match et qui nous le rend facile, Emega est strictement incapable de faire ce que Panichelli a fait. L'espèce de contrôle orienté là, et l'enchaînement qui demande quand même une certaine finesse technique que notre ami Batav n'a pas. Je pense que Emega il sait pas faire ça. Ah, mais Emega il aurait mis les défenseurs à mettre dans le vent, peut-être avant il aurait pas eu besoin de le faire. Bah forcément, parce que comme on l'a dit, on presse moins, on est moins sur ces espèces de transitions hyper rapides. Bah si, on est plus. Attends, ça joue plus direct. Hein. On est plus là dans le. C'est pas ce que je veux dire. Avant, tu avais cette espèce de gegenpressing et de volonté de parfois faire une grosse rupture, y compris en partant de tes 30 ou 40 mètres, qui avantageait Emega, parce que son avantage, son quasi seul avantage, parce que bon, c'est un idiot, il n'a pas de technique, mais il court très très vite. C'était son seul avantage pour faire des appels dans le dos. Là, on est quand même sur... je prends ce but à Lille, qui est très beau dans la construction. Là, il faut quand même un peu plus sentir le foot que juste courir tout droit en bousculant les défenseurs, quoi. Je veux dire, Emega, c'est le Baokan du riche. Godot, quand il fait le but sur le boulot avec Enciso, il cherche dans la profondeur aussi, courir vite, ça marche, hein, sur ce match aussi. Hein. Oui, mais quand tu t'es rendu le match facile. C'est pour ça que je pense qu'Emega va faire les fins de match pour moi. Déjà, Emega, il faut qu'il arrive, il va pas arriver après, à côté de corps à Chelsea. C'est le capitaine. Hein. Mais il ira jamais à Chelsea. Est-ce qu'il sera le capitaine de nouveau? Ou ailleurs? Ça aussi, excellente question. Est-ce que Emega va passer capitaine? À la base, début de saison, c'est le capitaine. Après, quand il est pas là, forcément, c'est un autre. Il l'a été quand il est revenu. Bah, réponse facile. Est-ce que en temps normal, changement de capitaine. En temps normal, il ne devrait pas être capitaine, mais comme c'est les joueurs qui décident, ce sera lui qui sera capitaine, c'est tout. Enfin, je veux dire, il y a tous les indices pour dire qu'il. Enfin, déjà, il n'aurait jamais dû avoir le brassard dans un monde normal. Et ensuite, bon, après l'histoire de la bouteille a fini par sortir. T'as acheté une bouteille à la gueule de ton entraîneur. Je veux dire, t'es pas capitaine. Mais comme de toute façon c'est lui qui décide, il sera capitaine, y a pas de problème. Est-ce qu'il a pas un statut déclinant maintenant que Panicelli c'est sûr. Aussi à marquer des buts? Si la clé, je sais pas, non, pas ça, non, secret dans, du dans un club lambda, je pense que oui. Après, dans la sphère Blouko. Ah bah, Le vestiaire aussi, comme tu disais, est très important. On va pas se mentir qu'il y a un peu deux clans qui se dessinent au Racing. Vous avez des infos sur j'aime mes gars, j'aime pas mes gars, les joueurs, ils s'aiment, ils s'aiment pas. De toute façon, le Sud-Américain blanc de base, il est raciste. Donc, bien sûr que si, t'as toutes les histoires du Barça, du Real, les mecs qui jouent avec des gars de toutes les couleurs depuis leur enfance et tout, ils sont racistes, je peux te dire que les types comme Barco qui viennent du lumpen prolétariat argentin, ils ont quand même un su. Alors après, effectivement, ils ont été socialisés depuis 2-3 ans à se dire que ça pouvait être à leur avantage d'afficher, mais le fond du truc, tu vois, c'est ça qui nous différencie là avec les machins pro anti Moukou et tout. Je fais pas de déterminisme social. Je fais pas du... Bah, il est comme ça. Alors ça veut dire ça va être ça. Ah, putain, ça se fout. Barco, il aime tous les gens de la Terre. Alors, moi, je pense personnellement... Mais alors... Que Barco déteste tous les gens de la Terre. Oui, c'est pas en une fait, question c'est ça. En fait, je pense qu'il déteste tout le monde. A priori, il tolère Panicelli parce qu'il lui fait des passes. Ouais. Mais je pense qu'il a vraiment aucune affinité avec tout le reste de l'équipe. Alors que Mega est quand même, je suis d'accord sur le capitaine, mais je pense qu'il est un leader naturel de l'équipe. L'équipe côté Samba, là. Ouais. Mais après, maintenant, est-ce que ça, combien de temps ça peut tenir? Est-ce que ça peut tenir aussi des frictions? Des rivalités. Après, je pense que surtout c'est... Surtout que tout est mis en cause là maintenant aujourd'hui, parce qu'il y a un nouvel entraîneur, donc les postes ne sont plus acquis non plus. Oui, c'est ça. Moi, je sais pas non plus ces déclarations, même s'il y a une part où faire le malin, mais les déclarations à la presse où il explique que quand il était pas là, l'équipe gagnait pas, hein, et que quand il est là, en gros, il gagne. Moi, je suis son coéquipier, je suis pas sûr d'apprécier beaucoup ça. Hein. Ouais, je pense que c'est t'as le tonton gênant au truc et puis t'as le mec qui parle trop mais qui est gentil. Ouais, mais là t'as le capitaine, c'est le mec qui va à Chelsea l'an prochain quand même. Je pense que les mecs ils le connaissent aussi, ils savent qu'il a sans doute qu'il a un côté concon, il maîtrise pas sa com, il a un melon gros comme une pastèque comme tous les numéros 9 dans le foot quasiment. Et ouais, ben il a sorti ça mais enfin, après, ça avait fait écho quand même que ça avait été très moyennement apprécié, hein, pour ne pas dire pas du tout. Moi, je pense que je suis coéquipier, je suis pas sûr d'apprécier tant sa communication que ça. Hein. Ouais. Bah, je pense que c'est sa déclaration la plus conne. Quoi. Oui. Oh, il y a débat quand même. Il y a de la compète. Le coup de la carte, il a fait très fort. Quoi. Non, mais moi, je suis sincèrement persuadé qu'il n'ira jamais à Chelsea pour deux raisons. Premièrement, je pense qu'avec une mentalité aussi désastreuse, le type ne peut pas s'imposer dans un vestiaire qui est encore un ou deux tons au-dessus et où les répercussions médiatiques sont 100 fois supérieures à ce qui se passe à Strasbourg. Et deuxième chose, il est tout le temps blessé. Ouais, mais il faut quand même lui trouver un ailleurs. Il faut qu'il joue pour qu'on lui trouve un ailleurs. Et pourquoi est-ce qu'ils ont 5 directeurs sportifs? Oui, ça c'est vrai. Mais c'est pour ça que les 5 directeurs sportifs de Chelsea travaillent. Évidemment. Hein, au-delà de tout le mal que je peux penser des gars, effectivement, sur ces maintenant bientôt, on va arriver au bout des 3 saisons à Strasbourg, le nombre de blessures enchaînées pour son âge me paraît vraiment... on est du niveau des Alardières ou des mecs hyper sourds. On est sur la technologie de pointe, on est sur une formule. T'as vu le mec, comment il est monté? C'est un sprinter, c'est une Ford Christie, c'est d'un pari. Ouais, mais tu peux pas te blesser 3 fois par saison quand même. Bah si, il y a des mecs comme ça, mais. Mais ça va être difficile de percer après, ça va peut-être pas lui arriver. C'est pas très bankable, hein, ça. Il y a des joueurs qui se blessent pendant un an ou deux, ils ont des saisons de merde là où ils sont beaucoup blessés. Puis je dis vraiment sans. Dans les gros clubs, tu joues quand même tous les 3 jours. Ouais. Donc je veux dire, là, les 2 dernières saisons, il a manqué quoi? Plus d'un quart des matchs de la saison. Le Puyol à Barcelone, la moitié de sa vie, il était blessé. Il était là pour tous les gros matchs. Hein. Et il a passé ça. Ce mec, il a été polytraumatisé, je crois. Il n'y a pas une articulation de son corps qui a pas subi une blessure. Sur un niveau. Il y a des joueurs qui font des carrières de champion du monde et qui sont blessés le tiers de la saison tous les ans. Cet enchaînement de blessures, pour moi, vu son âge, me paraît un peu handicapant. Ouais. Surtout dans un projet aussi darwinien, quoi. C'est marche ou crève, quoi. Nous, on a 50 joueurs sous contrat. Eux, ils en ont 80. Ils n'ont pas. Après, moi, j'ai découvert les 3 ans de patience, quoi. J'ai découvert un nouveau club qui s'appelle Gogo Gadgeto. Go Eagle, Et du coup, je pense qu'il correspondrait totalement à Emega. C'est son pays, c'est un nom à la con. Il pourrait être la superstar, là-bas. Je pense que c'est une possibilité de reconversion. Peut-être même. Franchement, s'il signe à Chelsea sans jouer, un an, il peut racheter le club, à mon avis. En plus, il serait président, joueur, entraîneur. Cela dit, si c'était chaud avec Rosenior, je ne sais pas trop comment il va se retrouver avec lui l'an prochain là-bas. Est-ce qu'il va se retrouver avec lui? La question, c'est de là. Il faut l'un et l'autre. Oui, c'est ça. Il n'y en aura aucun des deux, en fait. Dans la football fiction, quand on commence à se projeter loin et tout, on se projette, mais c'est le foot, putain. Ah, loin, c'est dans 3 semaines. 6 mois, quoi. Dans 3 semaines, Rosenior, il peut déjà être têche. Je veux dire, s'il enchaîne 4 mauvais matchs, il est dehors. Et ça va trop vite. Tu peux pas dire, ouais, non, attends, au prochain, Rosenior, c'est encore sûr, on va faire de Chelsea. Et les gars, il va aller à Chelsea. Non, ça va changer 18 fois entre temps parce que. Moi, je pense qu'il sera encore à Chelsea. C'est quand même un des écosystèmes où l'adaptation se fait de manière ultra rapide. T'as un club en début de saison, il est en crise 2 mois après, alors qu'il a fait un super mois d'août. Et puis, la crise perpétuelle, hein. Ah, oui, mais je veux dire, le foot, c'est trop imprévisible pour commencer à réfléchir sur 3 ans, en fait. Par contre, là, du coup, j'ai une question qui n'est pas militaire encore, mais on va peut-être en trouver un. Tu te rappelles, Alex, que tu es chargé responsable. Oui, mais il est à fond sur sa depuis mission. Depuis que tu as versé la bière sur une écriture déjà très peu lisible. Voilà. Non, j'avais une deuxième truc. Donc, on allait parler du futur, hein. Paris, Monaco, Le Havre, qui sont les 3 matchs à venir, pas les 3 matchs les plus importants parce que effectivement ça va plus loin, mais on va se focaliser sur ça. Que faire de Guy Fagel-Bruegel? Ouais. C'est quand même une question importante. Bah, ça, c'est ça, tu vois, on parle de poste. Est-ce que c'est pas lui qui a pas dit à Barco qu'il pouvait Ouais, je. Qui lui a pas dit. Quand on parle de poste non délocalisable, lui, de toute façon, il faudra quand même quelqu'un pour s'occuper des survettes, des réservations de cars et tout, etc. quoi. Qui pour ouvrir la porte à Rosenior? Ouais, c'est ça, je pense que faire. Là, ils vont. Alors, ouais, est-ce qu'ils vont faire venir un Anglais juste pour faire ça? Je pense pas. Non, ça. Il a plus de survêtres, hein, depuis quand. Bah ouais. Ah bon, ouais, là, il y a un plus gros stock. Card manager. Putain, t'as rentré un poste là. Le quoi? Le car? Le yellow card manager. Yellow card. Après le Pret. For the Pret manager. Ah oui, oui, alors ça me rappelle. J'ai une question de Krutenauer. Schneiderlin. Que vous connaissez tous, hein. Ouais, bien sûr. Alors, j'ai un peu volontairement traduit la question. Peut-il être load manager en télétravail? Mais est-ce qu'il jouait lors de la dernière victoire au Lille? Non, il était déjà parti. Non, il était là, mais il a joué 2-3 matchs en deuxième partie. Non, c'était parti, c'était la saison d'avant. Non, il était là. Moi, je crois que c'est la saison. Non, il jouait le match des 100 ans, en fait. Je pense qu'il était. Bon. Non, je suis certain. En tout cas, il jouait pas. Ça, c'est certain. Il a joué 2-3 matchs en deuxième partie de saison. Il a joué le match amical contre l'OM avec le numéro 100. Ouais. Un des seuls matchs que je vois. Et il a joué un match contre Metz qu'on perd à domicile en 2008, je pense. J'y étais. Mais bon. À dernière minute. On se rue vers l'avant pour marquer. Enfin, bref. En même temps, s'il peut pas un peu télétravailler, c'est quand même un poste un peu dur à vivre parce que faut quand même que tu changes de pays tous les jours. Bon. Moi, je lui souhaite quand même d'avoir 2 jours de télétravail par semaine. Parce que, alors, on sait qu'il va viser les gens trop. Donc, dans l'accord de boîte, c'est pas 2 jours de télétravail par semaine, c'est 3 jours de présence. Ouais. Parce que sinon, il y a les petits malins là qui te foutent des jours de congé ou des trucs et tu les vois pas. Mais, donc, du coup, bon, au-delà de la blague sur Morgan Schneiderlin, un amoureux du club, hein, comme certains ont souligné sur le jeu, je sais plus qui lui a déversé une logorée verbale genre sur un mec qui n'a jamais respecté le club. Et l'ADN du club toujours préservé, rappelle les anciens. Voilà. Mais surtout, on a 2 prêts un petit peu intéressants qui se sont terminés, reconduits. Donc, alors, c'est Diop, c'est quoi le prénom? Bemba. Je voulais dire Bemba Diop. Bemba Diop qui a été donc rappelé de Nuremberg et prêté à Toulouse. Le procès de Nuremberg. Il y a le procès de Toulouse aussi, mais là, c'est pas tout ça, là, c'est un peu compliqué. Ouais, ouais. Voilà. L'affaire Jubilard. donc Bemba Diop qui est donc rappelé de Nuremberg et qu'on envoie à Toulouse et qui est en train de. Donc, du coup. A priori, qui performe. À un but, une passe des derniers matchs. Hein. Voilà. Toulouse qui est notre concurrent direct pour le top 9. mais donc, du coup, un prêt gagnant pour lui et Toulouse, peut-être moins pour nous. Et il y a. C'est qui qu'on voit ? Koulibaly. À Brest. Non, c'est pas lui que je voulais parler. Rabi. Rabi Ndioula. Oui, voilà, je cherchais. Qui, lui, est renvoyé à Nuremberg. Alors, passer de Nuremberg à Toulouse, d'une division de Zweite Bundesliga à la Ligue 1 française, c'est quand même plutôt une progression. Le joueur doit être content. Pour le joueur, je pense que lui, il est content. dans un projet de ferme d'élevage du Racing. Ça se tient. Ah, il fallait que je sorte le terme quand même une fois cette soirée. Eh bien, on met notre petit poulain dans une ferme où il apprend à sauter les obstacles pour en faire un champion. Et apparemment, le résultat suive parce que bah, je pense qu'il ne va pas trop sortir de l'équipe de Toulouse cette année. Donc on peut imaginer que l'an prochain, on récupère un mec qui a une expérience Ligue 1 d'une demi-saison. S'il a été bon, bah, hein, on ne s'en plaindra pas d'avoir ça plutôt qu'à mon goût. Mais c'est un peu l'histoire de Rabhi, hein, finalement. Rabhi, il a quand même été l'un des seuls à arriver à se renager à Montpellier. On a dit, ah, il va revenir, on va lui laisser sa chance. Et puis comme souvent, bah, non, il fallait faire jouer... Et les produits un peu plus deux. Les retours de presse sont pas hyper fructueux. Surnager à Montpellier, ça veut dire quoi quand tu vois leur saison dégueulasse de l'an dernier? Ah bah, ça veut dire que t'es un peu plus seul, justement. Toi, t'étais le mec qui avait un brassard dans la piscine, tu vois. Mais ça veut pas dire que t'étais, ouais, il y avait un super mec et puis tous les autres de Montpellier, c'était nul. Non, il était un peu meilleur que les nuls. Il était bon parmi des nuls, hein. C'est pas facile pour tout le monde. Joueur du Racing, hein. Mais je pense pas non plus que Rabhi Nzigula, il a pas déchaîné les passions au niveau des transferts cet été. C'était pas genre le joueur que tous les clubs disaient, ouais, oui, c'est vraiment la petite bonne idée là qui va nous booster notre milieu. On va tous se déchirer pour l'avoir. Et il y a eu zéro offre. Donc on va voir. Non, il n'y a pas eu zéro offre. Il n'y a pas eu grand chose. Ils l'ont quand même fait revenir, mais. Ils l'ont fait revenir, mais voilà, mais en même temps, le mec, il a essayé de s'inscrire dans la rotation, l'entraîneur, il n'a pas cru en lui. Bah, c'est le foot. Hein. Je pense sincèrement que les prêts dans l'affaire Blouko, c'est que des mecs sur qui le Racing ne compte plus. Hein. Voilà, exactement. Et qui a aucunement... Alors, il y aura peut-être l'exception qui confirme la règle. Mmh. Bah, je pense que s'il y en a un qui fait vraiment un super prêt, bah, on va le rappeler. Hein. Mais c'est clair qu'un Lukovic, je le vois pas revenir, par exemple. Non, mais je crois que... Non, mais lui, c'est dead. Bah, oui, mais on n'en entend plus parler. Même Manga, tu vois. Ryan Messi, le mec a marqué deux buts avec Pau, là. J'ai pas regardé les trucs l'autre fois. Justement, je me disais que deviennent nos prêtés. Dion, s'en sort pas trop mal à Dunkerque, je crois, Mais c'est sûr que ouais, si les mecs font pas une saison de fou en Ligue 2, on va pas compter sur eux pour essayer de jouer le haut de la Ligue 1. Hein. Ah, tu les envoies pas non plus dans un club où les mecs... Après, ils trouveront un contrat. Hein. S'ils jouent, ils jouent. Oui, mais c'est sûr. Bah, après, dans tout ça, j'ai toujours pas compris à quoi servait le loan manager. Parce qu'à la limite, pour faire des deals, pour aller prêter tel gars à tel club où on considère que c'est pertinent, c'est le boulot d'un directeur sportif. Après, derrière, le loan manager, il fait quoi? Il lui passe un coup de fil pour savoir s'il va bien? Oui, tout à fait. Il y a des matchs, c'est un autre nom pour happiness manager. Moi, je pense que c'est vraiment... Ouais, tu sais, on prend un ancien pro qui est pas trop retraité depuis longtemps, comme ça, il a encore un peu peut-être les codes des joueurs actuels et tout. Et puis, ouais, c'est le mec sympa qui va un peu te booster au téléphone. Eh non, mais Milos, Milos, tu vas être un but ce week-end. Milos, allez, t'y crois. Allez, Milos. Mais quel job. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre? C'est combien par mois, ça? C'est pas lui qui va négocier les contrats. Mon ami. Morgan Schneiderlin, il a une formation comptable là, pour savoir établir un contrat à un joueur ou des trucs comme ça. Je pense que ça, il a aucune. Non, le mec, il sera là pour être sympa. C'est l'ADN. C'est un peu le Kader Morgan des joueurs FPS. Peut-être qu'un jour, il remplacera Kader Morgan. Il y a peut-être une espèce de cursus honorum maintenant qui va se faire dans le football. Tu sais, tu commences happiness manager, après tu fais Kader Morgan, et après tu commences à avoir un vrai boulot. En fait, il est peut-être trésorier. On ne sait pas, il est peut-être trésorier du CSE. C'est lui qui organise les événements, tu sais, carnaval. Il avait fait une scène à confetti et tout, tu sais. C'est donc, quel déguisement, c'est quoi le thème cette année? Aujourd'hui, cette année, on prend la lettre H. Ah bah ok, je vais me déguiser en hippie, tu vois. Enfin, c'est du boulot quand même, hein. J'ai eu peur. J'ai eu un instant de terreur. Ah oui, non, pardon, non. Non, ça non. Mais après, c'est le peintre ou l'écrivain? Ça va mieux. En hibou, moi, je pensais. En hibou, maintenant. C'est peut-être plutôt un job à faire à Chelsea, parce que là, c'est du plein temps, hein, voire de voir un DTP. Non, là, quand même, là, les prêts, là, d'après. C'est un 3-8, t'as une équipe, t'as 5 mecs. Ouais, bah oui. Non, mais c'est peut-être juste pour se souvenir aussi quel gars. Enfin, après, en même temps, c'est un job de magasinier, tu vois, c'est comme le type, il a un stock à gérer. Ouais, mais c'est un magasinier, il parle à ses objets. Là, ouais, c'est particulier, ouais. Il monte pas sur un Fenwick pour les décrire. Il faut créer de l'empathie avec la palette, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est pas facile, quoi. Il faut des compétences, et je pense qu'il les a, parce que c'est... Moi, je me souviens de son match, quand même, avec le numéro 100 dans le dos, là. Pour Marseille. Ouais, c'était beau. avec les feux d'artifice alors qu'on avait perdu et tout. Je trouve ça génial. Ce qui était beau, c'est qu'on fait ce match et direct quasiment presque après on le vend. Oui. Tu vois, pour payer le, genre la facture d'électricité. Avec Gasmi en plus en chaperon, non? Alors il est deux à Southampton. Non, il y en a un qui a plus réussi que l'autre. Hein, bah oui, Gasmi, il est allé en Thaïlande quand même. Ça, c'est de la réussite. Ouais, et une grosse carrière en Thaïlande. Ouais, c'est une légende en Thaïlande. Grosse carrière en Thaïlande. Franchement, vaut mieux être quoi, un mec qui joue en national chez nous ou une star en Thaïlande? Ah non, star en Thaïlande, c'est sûr. En Thaïlande, tu gagnes 10 000 balles, t'es bien. Hein. T'es plus que bien, t'es comme un mec ici qui en gagne 100 000. Hein, je me rappelle jamais de ce nom du joueur qui était venu à RBS. Du Racing, qui avait joué en Égypte, Syrie, tout ça. Un mec des années 90, j'ai oublié son nom, je suis désolé. Si nous t'écoutes, ouais. Il ne t'écoute pas, mais... Le mec disait, il a fait des matchs, il avait rencontré Aïkel Gemondia dans un derby en Égypte. En Égypte? Ouais. Ah, après, Gemondia, il a joué en Égypte? Après, ouais, il était reparti. Et le mec avait joué dans des stades de 70 000 personnes bouillants, il avait fait des trucs de ouf, et il disait, bah ouais, en France, j'aurais fait une carrière de CFA... CFA national, truc. Là, j'ai joué dans des stades de fou, j'ai vécu des trucs de ouf. Voilà, je me suis fait plaisir pour la chance. Je suis fait footballeur aussi pour vivre ces trucs-là. Des fois, quand ton niveau ne te permet pas de le faire dans certains pays, bah, tu changes de pays. Alors, tu vas en Indonésie. Le championnat indonésien, le championnat vietnamien à côté, il est bon. Hein. Franchement, le championnat indonésien, c'est pas très très fort. Les stades, ils sont pleins, ils sont 80 000 dans le stade, ça chante, les ultras, ils sont chauds de ouf et tout. Et quand t'as un niveau voilà pour N1 Ligue 2 en France, tu vas là-bas. T'es ancienne colonie néerlandaise, en plus. Et il peut devenir international indonésien. D'ailleurs, à 8, je crois que c'est 9 qui joueurs sur 11 sont hollandais. Ah oui, oui, ouais, ils ont pas grand-chose. Ils ont relancé la connexion pour faire les binationaux aussi. Alors, on va relancer la connexion aussi. Avant de passer au quiz... Mais on sait toujours pas ce que je n'ai rien fou là. Oui, bon, ça. Ça non, mais est-ce qu'il peut rester au soleil? Moi, c'est ça, ma vraie inquiétude. Définissez le soleil. Zellweiler. Est-ce que Manchester, le quartier sud de Manchester, c'est le soleil? Non, mais justement, c'était bien pour. Oui, ben après Manchester, c'était fini. Hein. C'était l'Australie, Nice. Ah, oui. C'est ça l'objectif. Non, je pense que c'était déjà chez Rhin. Effectivement, c'est un emploi fictif et qui n'a pas duré longtemps. Il y a plusieurs emplois fictifs au Racing. Mais il passe pas ses diplômes, il passe pas ses diplômes d'entraîneur chez Rhin. Oui, je me. Ça, c'est un truc très. On lui mandera. Très de Thierry Loret. Bah, c'est ouais, il fait peut-être, à ma vie, il fait plus ce truc gestion de patrimoine là. Ouais, ouais. Ah, c'est l'avenir quand t'es footballeur aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est un peu le moment quand on arrive au Racing, c'est là où on arrive à trouver une place pour les formations de. D'entraîneur, c'est le place to be. Hein. Ouais, mais après, sinon, il a qu'à faire autre chose. Sinon, il fait, tu sais, Enneagram, les constellations, méthode disque, tu vois, t'as tout le bullshit managérial, je pense qu'ils vont finir par nous prendre ça, tu vois. Ils ont quand même eu leur. À l'époque, ils ont eu le strike il y a 2 ans avec les NFT, le metaverse et tout. Ah, c'est les constellations, ça existe vraiment. Hein, évidemment. T'as les boîtes là où t'as. J'en ai entendu parler. Ouais, je suis pas encore calé dessus. Mais je sais pas, j'ai tous ces trucs de merde là. Ah, la constellation de Pégase, je crois. Ouais. Ah, mais c'est autre chose, c'est genre pour te dire que t'es compatible avec Bidule. Mais ça n'a rien à voir avec les Chevaliers du Zodiac, on est d'accord? Non, absolument rien à voir avec les Chevaliers du Zodiac. C'est dommage parce que là j'avais une carte à jouer. Par contre, les mecs facturent. C'est pareil, c'est pour te dire si t'es putain de bleu, jaune, rouge là. Ah, nous on est bleu. Mais en fait, ça touche rien, il va faire ça, tu vois. Il va se déplacer chez chaque joueur prêté pour lui faire un test de personnalité. Enfin, bref. Il y a du piquant aussi, hein, je rajoute cet élément au débat. Et donc, du coup, on en profite que là, le débat s'est un peu apaisé. Et on va parler quand même des 3 prochains matchs qui vont dessiner l'avenir, la constellation du Racing pour les prochains matchs. Il y a d'abord Paris, ensuite Monaco, et puis on a rajouté le Havre quand même, parce que bon, Paris, c'est pas trop de trucs, mais on va peut-être commencer par Monaco, c'est plus simple. Juste en préambule, on a quand même un gros mois de février qui peut commencer beaucoup la fin de saison. C'est le mardi gras du Racing. Mais effectivement, genre, la saison se joue quasiment sur février, si on prend en compte le tirage de la Conference League qui se fera le 27 février, si je ne m'abuse, qui décidera où on partira en vacances. Alors, Monaco, on commence par Monaco dans les 3 matchs à venir. Monaco, c'est la Coupe de France. Est-ce que la Coupe de France n'est pas le chemin le plus court vers la Coupe d'Europe ou la mort? Là, pour Monaco aussi, c'est ça le problème. C'est-à-dire que tout dépend s'ils auront envie à leur coach d'ici là ou pas. Déjà, ils font quoi en Ligue des Champions ce soir? Marseille perd 2-0, j'ai vu. Hein. Parce que encore la Ligue des Champions, là, ce soir. Parce que Monaco, qui arrive qualifié en Ligue des Champions en Coupe de France, c'est peut-être pas la même équipe qu'ils mettent s'ils y vont pas. Après, s'ils veulent avoir une chance, le PSG est éliminé quand même de la Coupe de France. Tout le monde a cette information, je pense. Donc, c'est un peu l'année. Donc, Monaco, il faut qu'ils se qualifient en Coupe d'Europe. Donc là, en championnat, ils sont quand même largués, parce qu'ils sont maintenant assez nettement derrière nous, qui nous-mêmes, on a encore quelques points à remonter. Donc, je lâcherai complètement le championnat. Et je ferai effectivement en Ligue des Champions en priorité, ça apporte plus de thunes. Mais derrière, je ferai un gros match de Coupe de France, quoi. Mais le Racing, je pense, et le Racing, pour le coup, lui, il est un peu plus ambivalent entre championnat et coupe, quoi. Mais là, on peut pas lâcher. Après, est-ce que justement, là, le résultat de ce soir de Monaco va pas conditionner une dernière semaine de mercato non plus? Ou s'il passe en Coupe d'Europe, peut-être qu'il prenne un renfort ou l'autre, et peut-être ça peut faire la diff sur une remontée en championnat, parce que bon, c'est pas non plus une équipe de tocard total. Ils ont eu énormément de blessés cette année. Est-ce qu'ils recrutent les jambes de Paul Pogba? Voilà, c'était un pari, et je pense que Paul Pogba, il le surpaye pas. À mon avis, il doit y avoir une espèce de prorata au nombre de matchs joués. Bah, pour l'instant, Paul Pogba, il peut faire la sortie. Il leur doit de l'argent. Non, mais c'est clair, Paul Pogba, il va avoir le coup. Mais après, le recrutement, il était pas dégueulasse. C'est juste qu'ils ont énormément de blessés. Et puis, bon, bah, un entraîneur avec qui ça marchait pas trop, après... Ça reste quand même une équipe où tu as des putains de joueurs, quoi. Enfin, je sais pas, Kliouche, machin, Golovin. Ah, ça reste une grosse équipe. C'est sacré. Du coup, un match que personne ne va prendre à légère, quand même. Il vaut trop de points pour la suite de la saison. Il y a moyen qu'on le perde, hein, ça c'est sûr. Après, ça reste un match de coupe, hein. Ça peut jouer sur une action litigeuse de merde. Je sais plus s'il y a la VAR en Coupe de France maintenant. Non. Voilà, donc ça peut se jouer sur une action litigieuse de merde. Ah ben, des fois ça se tient à ça. Hein, souvent et... contre Monaco d'ailleurs. Voilà. On l'a déjà vu. Hein. Après la réalité, c'est est-ce que le Racing a vraiment moyen de faire tourner? Un petit peu, mais non, c'est sûr qu'on n'a pas plus un fond. Il n'y a pas de banc. Il n'y a pas de banc. Moi je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de banc. Hein. Y a pas de deuxième... Là, en l'état, il n'y a pas de deuxième en enfant. Moi je m'attendais à ce que Nanasi revienne un peu, mais finalement il a l'air toujours un peu handicapé. Hein. Est-ce que c'est la paternité, puisqu'apparemment il est devenu papa depuis pas longtemps, ça peut jouer sur les nuits de sommeil. Ah bah tu sais, Suède, normalement c'est 6 mois de congé par an. Ouais, déjà voilà, c'est les Scandinaves, c'est notre culture. C'est pas le mec qui va laisser sa femme tout faire. Lui, il va prendre sa part du travail parce que c'est un papa scandinave, donc il va faire au moins la moitié. Donc ouais, il se lève la nuit, le garçon. Forcément, il est crevé. Ah oui, il est fatigué. Bref, on prend. En plus, avec ça, avec ses séances de coiffeur. C'est compliqué. Non, mais il semblait commencer à bien revenir. Oui, il avait semblé un peu. Finalement, c'est quand même une grosse déception quand même. Mais ça reste un putain de beau joueur. C'est un bon joueur joué la Nazi. J'aime bien le voir jouer. Moi aussi. Ouais, mais il n'y a pas le volume, l'intensité. Non, ouais, voilà, et tu rassures ta fin par rapport à ce que tu peux espérer. Non, mais la comparaison avec Farnerud est juste, hein. Il y a ce côté un peu éthéré comme ça. Lequel, Alex ou le Pontus? Plutôt Pontus. Ah, Pontus, il fait une grosse année. Mais justement, Pontus a fait une grosse année. Après, il s'est éteint. Alex a jamais vraiment fait. Alex, c'était le king de l'entraînement. Ouais. King de l'entraînement. Et des terrains avec de la neige. Là, il marquait des buts. Je sais plus c'était quoi le match de couple. Là, il marquait des buts. Bah, Lille aussi, non, juste. Mais donc, du coup, Monaco, tournant. Mais est-ce que Gary va nier l'équipe type comme on l'a fait en Coupe de France depuis le début? Bah, je pense, ouais. S'il l'a fait avant, pourquoi il le ferait pas à Monaco? Moi, je pense que Gary doit se mettre derrière le but de Penders et sourire. Et comme ça, ils sont tellement éblouis qu'ils peuvent pas marquer un but. Ok, donc Monaco, on est tous un peu d'accord que bien sûr, évidemment, on va gagner. Ouais. Avant ça, il faudra affronter le club de la capitale autoproclamée de l'Hexagone, le PFC Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain FC. Grosse déception au match aller, rappelez-vous. Le Racing est une des seules équipes qui tente le jeu égal avec le PSG et qui n'est pas loin de réussir à accrocher quelque chose, finalement très très mal payé. Mais là, on se retrouve à la Méno. On a battu le PSG à la Méno, on s'en rappelle. Oui. Ouais, j'y étais plusieurs fois. Enfin, la dernière fois. L'an dernier. Oui, l'an dernier. Mais plusieurs fois, non, sur 30 ans de Meno. En 2017, l'année avec la volée d'Abessaki aussi. Ouais, enfin voilà, moi j'ai peut-être vu 4 victoires contre le PSG toute ma vie, quoi. C'est pas mal, hein. Bon, au parc, au parc, au parc, j'allais dire qu'on a vu 0. Le mec, c'est un mytho aussi, c'est un mytho. Qui venait un peu en tombe les dernières saisons. Mmh. Voilà. Oui, là, ça va pas être la même. Là, voilà. est-ce qu'il y a un gros Paris? Est-ce qu'il y a un gros Strasbourg? Bah, ça va jouer, hein, tout le monde veut jouer ce match. Ouais, mais après, sans Barco, on se tire une balle dans le pied. Mais Méga revient. Genre, les DNA, on fait au moins 4-1 ouais, sur le retour de Méga. On pourrait le faire jouer en 6, hein, ce serait rigolo. Et Méga est moins important dans le jeu que Barco. Je pense aussi. Qu'on en pense, non, on va penser le contraire. Mais en tout cas, Barco, pour moi, c'est vraiment un peu le premier mec que tu mets sur la feuille de match. Là, tu mets Barco. Après, tu mets les mecs autour. Ah oui, alors... après, tu mets d'autres mecs autour. Parce que... Ce qui est inquiétant, c'est que je pense qu'on a un milieu qui est très faible et que tu enlèves le meilleur joueur de ce milieu déjà. Face à une équipe de Paris, donc point fort est le milieu. Voilà. Mmh. Et qui risque de confisquer le ballon quand même les trois quarts du temps. Hein. Après, bon, on aura peut-être. Je vois pas qu'est-ce qu'on peut faire. Ouais. Je mettrais plutôt Doucouré au milieu sur un match comme ça, quitte à prendre le risque de mettre un Augsberg qui n'est pas toujours... Ça, c'est risqué. Parce qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui... Il y a des anti-Augsberg qui apparaissent à la même temps. En même temps, même avec Doucouré et Sarr, t'es quand même pas à l'abri de te prendre une rousse. Autant, oui. On est quand même en face du meilleur club d'Europe, hein, titré en tant que tel. Donc la possibilité de se prendre une rouste avec n'importe quel joueur qu'on aligne, ça dépend pas de la formation de l'équipe, ça dépend de l'engagement, de l'état d'esprit et aussi un peu de la chenèque qu'on va pouvoir avoir, parce que les tirs sur les poteaux ils rentrent pas. Ah, des fois ça se joue à ça, hein, ouais, c'est, bah, ça le foot, hein. C'est surtout ça, parce que si Paris voilà. est à son meilleur. Et niveau, voilà, si t'as un pari déterminé à t'en mettre 6, ils essaieront de t'en mettre 6. Ouais. Ils en mettront peut-être que 2, mais ils seront partis pour t'en mettre 6. Après, si c'est le match, ils vont se dire celui-là on souffle un peu, t'as ta chance. C'est toujours comme ça contre Paris. Ou alors, c'est mieux de les avoir quand ils sont déjà champions et qu'ils laissent partir 9 points sur 12 en fin de saison. Oui, ça, on l'a déjà fait. Ouais, voilà. On a déjà utilisé cette carte. Et... Donc, après, c'est le test, c'est ce qu'on disait, hein, c'est le test gentil pour Gary O'Neill. C'est-à-dire, on lui bande les yeux, on le fait sauter dans le vide, mais finalement, il tombe sur un matelas un mètre plus bas. Ouais. On s'en fout. Genre, il sera pas jugé là-dessus. Il sera... Alors, après, il y a Le Havre. Le Havre, je l'ai mis pour déconner. C'est pas déconnant, c'est une bonne équipe. Hein, le Havre, c'est une bonne équipe. Mais après, ça a tout du match piège. Parce que tu vas aller jouer là-bas après deux gros matchs. Ouais. Est-ce que le Havre nous a pas bien déjà... Le Havre, ils nous ont bien corrigé l'an dernier, dernière journée, machin, c'est bon. Le match aller, on gagne 1-0 à la fin, non, sur un pénalty, non. C'est ce match, hein, je crois. Hein. Il y a deux ans, on perd là-bas pour le dernier match, mais bon, nous, on n'a plus rien à jouer. On est déjà sauvés, du coup. Mm-hmm. Après l'année d'après. L'an dernier, on perd. On perd chez nous, à la maison. Voilà. Et là-bas. Sur les pénalties. Effectivement, le Havre n'est pas une équipe qui nous réussit exceptionnellement déjà, la dernière année. C'est loin d'être une équipe qu'il faut considérer comme un relégable en puissance, parce que ça joue au football, le Havre, hein, avec les moyens qu'ils ont. Mais je trouve que c'est une équipe agréable à regarder et qui se bat. Tu vois, c'est le Racing d'il y a 5 ans, là. C'est le Racing qui se bat avec des mecs un peu... Ouais, c'est pas les meilleurs. On leur a pas prêté un joueur, là. C'est un peu l'anti-Racing, d'ailleurs, parce que finalement, l'idée directrice, beaucoup de jeunes, c'est la même. Mmh. Mais au Havre, il y a 8 à 9 joueurs formés au club. Ouais, ouais, c'est... Et c'est... Voilà. Ils ont toujours eu un réservoir. Le Havre, c'est un des plus gros réservoirs de joueurs français. T'as des... La Normandie, c'est pas... T'as un paquet de joueurs qui sortent de... Oui, parce qu'ils travaillent particulièrement bien. Il y a Thomas Delaine. Et puis, il y a aussi la proximité, évidemment, avec le bassin parisien, évidemment. Ouais. Mais même, c'est une ville pauvre, c'est une ville ouvrière, c'est une ville où il y a des cités, c'est une ville où il y a des footballeurs de la rue. Et c'est une ville qui a toujours sorti des pros. Franchement. Mais le football, c'est un sport populaire. Enfin bon, quand tu formes bien tes joueurs, c'est quand même mieux C'est le mec qui n'aimait pas le déterminisme social. Donc du coup, là, bien sûr, on se prépare au quiz, mais on a encore un petit joker. Est-ce qu'il y a une question vitale? Est-ce qu'il y a un thème qu'on n'aurait pas abordé? On a volontairement pas parlé des cégétistes. Non, c'est des sales gens. C'est dégueulasse. C'est des mecs médiocres. Franchement, quand je pense que les gens ont gâché le déjeuner de dimanche de Marc Keller. Ah là là, vraiment, mais je crois même que Liam est parti à cause de ça. Oui, en partie. Ouais. Bah, il l'a pas dit. La fuite à Varane Chelsea. J'ai pas regardé sa conférence de presse, mais il l'a pas dit ça. Non, mais sa conférence de presse. Alors par contre, non, on peut quand même dire que. On peut chier un peu sur la gueule de Yann encore un petit peu, on a le droit. Non, moi je parle de la conférence de Marc Keller. Non, je suis un peu sur Rosenior, donc t'as le temps de. Moi, Marc Keller, c'est quand même la première fois que c'est énervé en conférence de presse ever. Oui. Ah, là, le pour Rosenior. Et le buck, là. Quand il fait. Je l'ai déjà dit 50 fois, quoi. Là, le masque est tombé, quoi. Tu vois. Ça, ça tient un peu de choses, quand même. Ouais, c'est ça. Et. Bah, écoute, voilà. Bah, on est prêt au quiz, alors. On est prêt pour le quiz. Ah, le quiz. Gros quiz. Donc, je pourrais avoir un stylo. Effectivement, c'est les aléas du direct. J'avais préparé des stylos pour tout le monde, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Non, j'en avais préparé. Ils avaient bien. Bon, ils sont là. Là, je vois. Là, je vois. Est-ce que tu veux un stylo matine? Mais c'est parfait. Notre sponsor, les gars. Notre sponsor. Mangez les œufs. Soutenez les agriculteurs pour un club couveuse, quoi. C'est vrai. Nous sommes le 28 janvier 2026, jusqu'à minuit. Je confirme, je confirme. Ouais. Alors, le Racing a joué 9 fois un 28 janvier. Ouais. Oh, je suis nul à ça. Mais 3 fois depuis la saison 2011-2012. On peut tromper 1000 fois une personne. Voilà. Donc, nous avons joué le 28 janvier 2012 pour une victoire 6-0 contre Belfort. Le 28 janvier 2018 pour une défaite 2-1 à Lille à la dernière minute. J'y étais. Je sais pas vous, mais j'y étais. Je crois qu'il était aussi là. Et le 28 janvier 2024 pour un match nul à Clermont. J'y étais. Voilà. 40 joueurs ont disputé ces 3 matchs, en comptant les remplaçants, bien évidemment. Et des remplaçants qui sont rentrés en jeu. Des remplaçants qui ont effectivement participé à la rencontre. Répète, est-ce que les années, redonne les années, ouais. Ouais, 2024. C'était un 28 janvier, c'est tout ce que vous voulez savoir. 2024. 2012, victoire 6-0 contre Belfort, sans regarder, hein, bien sûr. 2018 contre Lille, et 2024 contre Clermont. Ok. Et le premier, c'est quoi? 18, 24 et... 12. Tous les 6 ans. Tous les 6 ans. Tous les 6 ans. Une loi de Pareto ou... Bah, il y a les années bissextiles... 2030, normalement, le 28 janvier, vous savez ce que vous faites. Bon, bref. Yenard. Les 40 joueurs. Attention. Ah, non, non, non. Et on commence. On commence dans les trucs de... Les Gugnons. J'aurais dit Yenard aussi. Vas-y, commence. Yenard. Le premier a 6 bonnes réponses, bien entendu. 6 bonnes réponses sur 40. Et après, c'est la photo finish. Liénard, du coup, pardon, Liénard, oui, il a joué le 28 janvier 2018. Ah, Gamero, il a pas joué ça une fois. Moi, je repense qu'il est dans le milieu. Du coup, Gamero ? Non. Gamero n'a pas joué. Il joue pas. Ah, mais... Non, c'est pas les bonnes années. Oui, c'est pas les bonnes années. Il est en Espagne. Ouais, 2024, ça aurait pu. Si, 2024, il est là. Ah, il joue donc, pas. Attends, on a dit 12, 18, 24. 12, 18, 24. Sissoko. Sissoko. Bonne réponse, Gigas. Incroyable. On oublie souvent Sissoko. Cels, bonne réponse. Ouais. Incroyable. Deuxième tour. Thomasson. Quelle année? Bah, 18. Non, il est pas là en 2018. Ah. On vient après. Ah ouais, merde, putain, je confonds trop. En ce moment-là, on n'est pas parti. Ah, on a parlé de lui. Il reste 37 joueurs. Gilbert, bonne réponse. Le frérot Gilbert, bon, évidemment. 12, Bigus, 18, pour prendre la tête. 12, 18, 24. 12, 18, 24. 24, donc Petrovic. Petrovic, quel Petrovic? Celle, ça a été dit, hein, déjà. Hein, bah, mauvaise réponse. Ah non, mais du coup, il était pas parti encore. Ah, putain. C'était un décision, Petrovic. 24, ah oui, c'est déjà... Goliard. Goliard, bonne réponse. Au bout de deux tours, Strotin seul en tête avec deux bonnes réponses sur deux. On était en quelle division contre Belfort? Alors, Belfort, je crois qu'on est en CFA 2 et en Ligue 1. Non, c'est en CFA. C'est en 2012, 2010, 2011, 2000. Lady 2011, 2012, on est. Non, on est en CFA. Lady, bonne réponse. On est en CFA. On le fait repérer un? Non. Alors, le Perrin, lequel d'ailleurs? Lequel? Le frérot de Gilbert, moi je reste. Ah, le frérot de Gilbert, mais ah, oui, si, il joue, c'est juste. Voilà. Moi, j'ai tenté Sikimic, alors. Sikimic, bonne réponse. En quelle année? Bah, 2024. Ouais. Si seulement. Poutine. Kenny Lala. Kenny Lala, c'est une bonne réponse. Troisième point. Benkat. Diarra. Diarra, Diarra, bonne réponse. C'est facile, là, d'être facile, d'être lancé, là. Non, excusez-moi, je pensais à autre chose. Barzegian, 2026. Sissoko, déjà dit. Barzegian, 2026. Je regarde, hein. Véter, non un Alvin. Yes. Tu m'as soufflé ouais, mon merci. Idée. Je voulais pas du tout dire Sissoko, je voulais dire Doucouré. Doucouré, mauvaise oui. réponse. Il ne jouait pas à ce match. C'était quel match déjà? Okay. Contre Clermont. Il joue pas à Clermont. C'est championnat, c'est pas cool. Ouais, c'est championnat. On avait joué Coupe et Championnat à la suite. De... Contre Lille, mais c'est le championnat Lille. Non, mais pour Clermont, en 2024. Clermont. On avait joué d'abord la Coupe et après c'est plus. Je demandais c'était Coupe ou Championnat. Le championnat, c'est la grosse équipe. Mais Lille aussi. Lille aussi. Gauthier Pineau. Bonne réponse. Implacable, hein, je crois. Il a quand même fallu qu'on recrute des mecs nuls pour qu'ils paraissent pour un mec qui s'y connaît vraiment. C'est ça. Pino, deux passes. Alors que si JP Darky était là, on aurait tous l'air d'un culte. Bah quoi, bonne réponse. Billy Modeste, bonne réponse. Il rentre contre Belfort. Bonne réponse. C'était des questions. Gingos. Pancho, comme ça. Il y a Barlenavé. Non, Donzelo. Donzelo, mais oui, Donzelo. Merci. J'ai failli dire Bon Arnaud. Ouais. Ouais. Je c'était un gros Thomas Martin, c'est une bonne réponse. Au bout de 5 tours, je trottine 5 points. Bah, il est pas loin de. Ça veut dire qu'il peut gagner. 4 et Gigas 3 points. J'ai combien là 4. Putain, je pense. C'est mort subite là. Ah, c'est mort subite. J'espère une bêtise. Il en reste. Hein. Il en reste quelques-uns. Hein. Vas-y. 5. All in, Sobol. 4. Sobol. Non, putain, Sobol, je voulais dire. Je voulais lui trouver l'utilité. La suite. Je sais rien. Là, il est sur OnlyFans. Je suis parti. Jonathan. Ouais, c'est. Attends, j'étais à Billy Modeste, c'était pas mal. Ouais. Vers là-bas, c'est. Vers là-bas. Région parisienne. Ah, CK. CK. CK, il est pas dedans, il joue pas. Étonnamment, il joue pas en 2019. Ouais, yes. Anthony Goncalves, bonne réponse. Ah oui. Et Gigas pour remporter. Gigas, je retiens pour remporter. Allez. Abrège nos souffrances. Oukidja. Non. Oh, mauvaise réponse. T'as toujours pas gagné. Putain, c'est coup dur. Ouais, pour... voilà, pas merci. En forêt de mes 5. Ouais, ouais. Franchement, il n'aura rien fait. On est vraiment trahis que par. Comme une tour. Non, mais c'est un artiste, Oukidja. Oukidja, c'est un artiste. Bah, c'est clair. Il se passe toujours quelque chose. Après, sa sortie ratée contre Reims où la balle est à ras de terre et elle est pas en dessous. Après une symphonie de Mozart, le silence qui suit de Mozart. Après une cagade de Kidja, le silence qui suit aussi de Kidja, tu vois. Habib Diallo, non. Habib Diallo joue pas non plus. Ah bon? Ouais, ouais. 2024. 2018. Il y en a quelques-uns que vous connaissez encore et des artistes. Bah, je pense qu'il y a que des artistes. Hein. Abdesaki, hein, c'est une mauvaise réponse. Stéphane Bauken, peut-être Bauken. Stéphane Bauken. Ben non, 2018, non. Deuxième balle de match. Bah, du coup, si c'est pas Okidja, c'est Binguru Kamara. Eh oui, bonne victoire. De... Gagné sur Binguru Kamara. Mais oubliez quand même, vous avez Kei, hein, le regretté Kei, hein, quand même. Guignery. Siki, Benchenan, De Jong. Jenji, il a joué en première finalement au bout de sa vie quoi. Kinon et Martinez, Mangan. Enfin, Mangan, non, Foulquier, Aoulou. Foulquier. Aoulou, j'ai J. Martin, on ne prononcera pas son prénom. Terrier, Da Costa, Saadi, Green, Blayak. Saadi a joué. Ah, Green, Blayak. Sila, Senaya, Manga. Ah oui, mais il joue sur Machet. Il marque pas d'ailleurs sur ce match. Ou il a des occasions. Qui ça? Le match à Lille en 2018, Saadi. Il marque en Coupe de France. Non, il marque en Coupe de France. Ah, mais peut-être qu'il marque aussi en championnat. Non, faut pas déconner. Il a marqué. D'oublier le meilleur joueur du Racing de ces dernières années, Angelo Gabriel. Ah, elle n'est pas con. Saï, Emega, Deminguet, Delaine. Emega 2024. Emega, Deminguet. C'est la. C'est la. Et Basseya. Ouais, alors, attends deux secondes, je suis en train de. Mais je crois qu'il marque. Il n'y a pas de cornier là-dedans. Ouais, but de Idriss Sani. Ouais, et en coupe, trois jours avant, il marque aussi. Ouais. Après, il a pris sa retraite internationale. Non, mais lui, franchement, c'est vraiment un acte manqué. Moi, je suis sûr, il était bon. C'est juste qu'il a perdu la place et derrière, il n'y a plus grand chose. Ouais, a priori, il n'était pas servi comme il l'était en Belgique. Il fallait le servir d'une certaine façon. Bah, frites. Il aurait fallu que toute l'équipe joue pour lui. Sauce algérienne. Il avait un truc de waffle à la Roberto. Ouais, c'est ça. Et au centre-ville. Et au centre-ville. Au centre aussi. Ouais, parce que moi, je voyais à la Roberto, du coup, ça. Manger beaucoup de waffles, ouais, effectivement. C'est la bête pour la Belgique. Ouais, c'était, il avait sa boutique de waffles, ça n'a pas tenu longtemps d'ailleurs. Maintenant, c'est un burger. Comme Mickey Jam, c'est ça. Tenait la boutique. Bah, je l'ai déjà vu dedans. Non, mais il avait truc, mais a priori, il était souvent. Ouais. C'est pas lui qui tenait. Mais non, mais le mec, il nettoyait à la fin et tout. Ouais, je te jure, non, c'était sa boutique, le gars, à la fin, je voyais, il rangeait, il mais en même temps qu'il était joueur. Bah oui, il jouait plus. Avec ses grosses cuisses. Le mec, c'était un slasher, quoi, il avait plus d'or. Et en plus, moi, je suis pas physionomiste, hein. Je suis passé au moins 5 fois devant la boutique avant de me dire. T'as ses cuisses, j'ai vu ses cuisses. Est-ce que c'est Martin Gétou? Non. Martin Gétou, c'est Charlotte Beauté, Avenue Colmar. Un jour, j'ai vu aussi. À Mofa, on vieillit comme ça. À qui? À Mofa, parce que Brian Amofa. C'était une semaine ou deux semaines après une rencontre joueur-supporter au local Fédé, et je croise un type place de la la rue qui longe le séminaire là, qui descend. Rue des Frères. Rue des Frères. Ouais. À gauche, la rue qui descend. Ouais. Je sais jamais comment elle s'appelle. Rue de la Rappe, peut-être, je sais pas quoi. Et je vois un type qui me dit bonjour et tout, puis je réponds pas. Et après, ils disent lui, il connaissait. Putain, merde, c'était un bon. Lui, il connaissait. Toujours. Lui, il se souvenait qu'il avait vu un binoclard une semaine avant, tu vois. Mais toujours répondre bonjour quand. Ouais, genre, j'étais surpris de s'entraîner. Si t'étais l'autre manager. Ouais, si j'étais l'autre manager. Hey, Brian! Tu sais, je croisais beaucoup Ludovic Ajorque au match de la Roberto, assez fréquemment. Parce qu'il habite à la vente. À SL ou Soas? Hein? À la SL, du coup, à Portales, là? Non, le match. Le supermarché. Ouais, je crois qu'avec le bébé dans les bras, il achète des couches et tout, machin. J'ai jamais demandé un selfie, tu sais quoi? Je me disais, ouais. Une petite bouteille d'Europe, quand même. Et plein de gens le regardaient, tu sais, genre, je disais, bonjour, monsieur. Et le machin, mais. Ouais, t'as pas envie, tu sais, il a son bébé, sa femme et tout, machin. Enfin, je peux casser les couilles, quoi. Alors du coup, toi, il était à la Mansono, il allait faire les courses à la Roberto. Bah c'est sur le chemin, hein, tu prends la route de la Mansono, là, tu remontes là par la petite. Pas tellement de supermarché. Je pense tu prends plutôt l'autoroute. Mais tu prends l'autoroute. Mais non, tu passes par les petits trucs. Ça, ça va vachement plus. Route de l'avance. À la moitié du trafic de la Roberto, c'est les gens qui rentrent à l'avance. Hein. De 17h à 19h. Ouais, mais attends, si tu viens de la Méno. Est-ce que pendant qu'on fait un petit peu ce point trafic avec des affûtés, est-ce que tu nous trouves une dernière question Minitel pour finir en beauté? Ouais, en fait, on a un load manager. Ouais, une petite. Pour remplacer JP Darky sur la question des prêts. JP Darky, il est à ça de se faire virer. Il est trop vieux. Surtout moi, je suis vachement plus jeune que JP Darky. Il parle pas anglais. Ah, ouais, non, ça va. Donc, il est cher. Ouais, il est très cher. Mais non, j'ai pas d'autres questions. C'est ce que me disait son employeur il y a pas longtemps. Ah ouais, ok. comme bah, j'ai tombé sur une question un peu problématique. Ah. Ouais, je sais pas, mais. Ah, c'est moi qui dois la lire. Rue de Marreur. Ah oui, alors, je fais comme tous les bons mecs qui disent. Non, c'est pas vrai, je peux non, dire. Non, mais je peux question Radio Schtroumpf. Est-il vrai que sans Blouko, on serait en Allemagne? Ah, belle question. C'est vrai que c'est sans Blouko, on serait vraiment. Merci pour cette question, Alec. Bah, j'y suis croyant, j'ai ouvert le. Alors moi je pense, si j'en crois les dires de Todd Bully, il avait quand même repéré Strasbourg parce qu'on jouait, on était en Allemagne quoi. Comme Emega, ouais. Mais c'est le deuxième volet du projet. Vous n'êtes pas encore au courant. Ah. Mais quand t'as assez de pognon, tu changes des frontières. Ah, effectivement. Un pétrolier, qu'il soit vénézuélien ou. Bah, disons que Blouko va commencer à vraiment financer lourdement Unserland. Qui va devenir majoritaire au Parlement régional, donc qui va demander une sécession avec la France. Donc derrière, ils vont mettre un homme de paille et qui va demander le rattachement à l'Allemagne. Un Gauleiter, peut-être. Mais, ouais. Et on va faire revivre le Reichsland d'Elsace-Moselle. Et ça, c'est bah, on ira jouer les derbies avec Metz en Bundesliga. C'est peut-être pour rendre hommage au supporter Bastia qui, à l'époque, nous avait fait une banderole. Il ne serait jamais champion d'Allemagne. Alors, c'est vrai, alors il y avait les supporters montpelliérains qui avaient fait cette banderole. Ville comme une Frankreich. Non, il y avait Ville comme une Frankreich, c'était. Non, c'est eux, Bordeaux, oui, Ville comme une Frankreich, c'est Bordeaux. Les montpelliérains, donc le fameux match, vous rappelez à tous, Diarra. Candia Traoré, ouais. Qui a le truc, et il y avait une banderole, on prend la Ligue 1, on vous laisse la Bundesliga. Ah oui, c'est ça. Ouais. Qui était assez drôle, quand même. Ouais. C'était moins drôle quand on a perdu, mais on était plus drôle si on a gagné. Mais... Moi, ça me fait rire, c'est connu, c'est du folklore, quoi. Enfin, alors, on dire que les Alsaciens, c'est des Allemands, ouh, c'est la blague, c'est comme dire les Belges, ils sont cons, hein. c'est... Les Montpelliérains, c'est les Gitans. C'est un folklore de vanne. Tu crois que la moitié des gens, ils y croient un minimum? Non. Mais sérieusement. Non, le gros problème dans cette banderole, c'est qu'on a perdu le match. Hein. Voilà. C'est ça qui est gênant, on aurait gagné. Je sais pas, moi, un truc comme ça, je le prends pas pour du racisme. Je le prends pour. Ouais, les mecs, ils essaient de vanner, ils font ce qu'ils ont. Mais effectivement, le projet. Et moi, j'ai entendu que peut-être on pourrait faire revenir Conan pour diriger ce land, ce super land franco-allemand. Notre Gauleiter, Conan. Serait notre leader pour l'Empire de Milan, de l'Atlantique jusqu'à l'Ouest. Allez, on rajouterait un petit morceau de Pays Basque. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, c'est pour les discours très longs à la radio où il part sur. Ah, d'ailleurs, ça me rappelle une anecdote. Et c'est sur ces magnifiques mots de Conan que nous allons nous quitter. Merci à tous. Merci. 2026 s'annonce une année encore plus racing que les autres. Et comme on dit chez nous, donc. Allez, assis! S'il doit y avoir une équipe professionnelle en Alsace, on sait bien que ça ne peut pas être une autre équipe que le Racing.